avant tout le monde. 89.1. Le plan de cette semaine, assemblage requis. Véronique Mire listera ses mots préférés, commençant par la lettre P dans le Véronictionnaire. Et David Ferron nous fera une chronique sur les retours dans la langue dans ton oreille. Tout ça en plus de nos chroniques normales comme Kinky Sexy Time. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis à la plage pour la semaine du 5 août 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Wow, Stéphanie Paradis qui est là live pendant dès le début de l'émission. Tu me reconnais-tu, Mathieu? À peine. On a perdu notre ami Jean-Philippe Charbonneau en cours de route, par contre, mais il va être avec nous plus tard dans l'émission. Sinon, toi, ça va bien? T'as passé un beau bout d'été depuis qu'on s'est parlé la dernière fois? Ben oui, écoute, comme on dit, Pierre qui roule ne mange pas mousse, puis... j'ai nourri des outardes cette semaine. Des outardes? Oui, mais ils sont très populaires à Cap-Chat. Okay. Tu descends sur le bord de la rivière, tu vas nourrir les outardes. Mais moi, j'approche de la rive avec mon pain. Là, je dis à ma mère, fais pas trop de bruit, tu sais, descends doucement pour pas leur faire peur. Mais on descendait comme normalement, puis ils s'en venaient à course vers nous autres pour manger du pain. Ils sont tellement habitués qu'ils te sautent dessus. Je te dirais qu'ils sont même agressifs. Ben, tu connais ça? Toi qui es agressive aussi, donc vous complétez bien. Je suis une outarde affamée de pain. On t'appelle comme ça. Ton nom de vacancière, c'est évidemment outarde... Mangeuse de pain, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi ton nom déjà de camp? Attends un peu. L'outre gourmande? Oui. Ça se peut-tu? Exact. Moi, je sais que c'est un paresseux quelque chose. Hein? Paresseux malaisant. Oh, malaisant. Ouais. C'est merveilleux. Est-ce que tu veux qu'on en donne un à notre ami David Ferron qu'on peut accueillir en studio s'il veut prendre un micro? Garde-toi. Bonjour. C'est pas à Gustave que je veux parler comme dans la publicité qui dit « Bonjour, ici Gustave. » Oh mon Dieu, que tu l'imites mal. Non, je sais. Hein. Mais ça. Mais je suis pas capable. Ça va bien, c'est David? Ben, je suis content de vous voir. Vous m'avez tellement manqué. C'est sûr que oui, je vous ai vu, mais il y avait des whippets qui nous séparaient. Oui. Ben, David est venu quelques fois pendant l'été pour nous présenter sa chronique « Le manger de la semaine ». Pour nous engraisser. Et voilà. Ben non, sérieusement, Stéphanie, t'es encore plus magnifique que d'habitude. Il est lichon un peu. Je sais pas quoi dire à ça. Là. Est-ce que t'as quelque chose à nous demander? Stéphanie, la seule chose que je te demande, c'est d'être heureux. C'est mal des clichés aujourd'hui. Wow! Ben ouais. C'est un vrai gentleman, hein? C'est un vrai gentleman. Bonjour, Stéphanie. OK. Donc, David, tu vas nous présenter une chronique à la langue dans ton oreille un petit peu plus tard. Là. C'est ce que t'es venu nous quémander. Toi qui n'es pas venu faire rien de contenu depuis 2 mois et demi environ, là, tu reviens en force. Oui, je vais faire une chronique sur les retours comme des bébés qui font des retours. Non, pas dans ce sens-là. Il y a des petits ronds, là? Oui. Ah, wow. Ah, OK. Non, pas dans ce sens-là. Ça peut être des retours de tout ça. Faut juste que je trouve 3 chansons. C'était un téléroman, ça, à TV, à un moment donné, le retour. Ah, oui. Puis je me rappelle, il y avait un effet spécial vraiment poche. C'était une maison qui explosait, mais ça paraissait que c'était fait à l'ordi. Mais tu sais, c'était en 97. Tu te souviens de la date? Oui. OK. C'était tellement mal fait que je m'ai vu cette année-là, la technologie n'était pas assez développée. Bon, pas que c'est plate à mort comme conversation, mais aussi dans l'émission d'aujourd'hui, on a Véronique Mire. Hey, ça, j'ai vraiment... La lettre P, ça a l'air que ça va être un X large, là. Extra super size. En fait, elle va faire ça en 2 parties. Je lui ai répondu. Elle m'a demandé premièrement est-ce que je peux faire ça en 2 parties. J'ai dit ouais, pas de trouble. Sauf que j'ai l'impression qu'avec les lettres qui s'en viennent, tu vas faire ça à chaque semaine. Mais ouais, tant mieux. Pete, t'as le meilleur dans P. Là. T'as Paradis, t'as Plante. Oui, Pete dans Chambre en ville. Vous avez pensé à patates frites, okay. Pizza, ouais. Poulet, uh-huh. Pinot. Uh-huh. J'ai faim. Wow. Ça commence pas par un P. Donc, Véronique Sionnaire, plus tard dans l'émission, vers dans 3 heures environ. On a aussi autour de ça Simon Fitzbay, sa carte postale musicale, qui aussi est de retour. On va voir des jeunes talents. Notre ami Jean-Philippe Charbonneau va revenir en studio pour nous présenter ses jeunes talents. Ah, c'est pas lui le jeune talent? Non. Lui, il est vieux et il n'a pas de talent? Non, il est medium size. Il a du talent? Semi-talentueux. Donc, on va lui parler tantôt et peut-être qu'on va lui parler avant ça. Donc, on va essayer quelques petites affaires en ondes tantôt. On vous réserve des surprises. Mais sinon, vous savez que le palmarès de C'est fou joue tout l'été, fusionne avec Assemblage Requis pour créer Assemblage Requis à la plage. Et on bascule du côté francophone à l'anglophone de semaine en semaine. On embarque dans un nouveau palmarès. C'est celui de la période du 5 au 18 août 2013. On n'a qu'une seule nouvelle entrée du côté francophone et elle s'adonne à être en 20e place. Et c'est Deux Pouilles en Caverne avec la pièce Courir nu. Hein? C'est Pouille dans Frippé Pouille? Je sais pas, j'espère que non. Mais c'est Pouille et Pouille? Pouille et... Non, c'était Frippé Pouille. Ouais, je sais, mais là, ça va être Pouille et Pouille parce qu'il y a deux pouilles Pouille en Pouille. Ah. T'as-tu entendu parler de Frippé dans le nom du groupe? Non, fait que. Ouais, ça dépend à Courir nu. S'il est vieux, il est peut-être Frippé. Oh. Bonne observation. On est ensemble pour 4 heures, fait que. Habituez-vous. C'est la seule et unique nouvelle entrée du côté francophone. Deux Pouilles en Cavale avec Courir nu, un Assemblage Requis à la plage. Et sans niaiser de même, le contenu c'est pour plus tard. Là, on passe la musique pendant qu'on a le temps. On va sauter par-dessus les positions 19, 18 et 17, c'est-à-dire Violette Pie, Petit Saint-Joibeau, La Femme avec Sur la planche 2013 et Outek avec FM. Pour passer en 16e place tout de suite, voici Mauve et Giovanni Cabotti. Hein? C'est mon accent. Giovanni Cabotti. C'est carré, les bêtes. C'est de l'art. Le talent, un seul. Yeah. C'était Mauve et Giovanni Cabotti. À Sondage Rock à la plage, c'est la position numéro 16. Ça descend de la 9e place. Sur l'album Rebrousser les Indes, en fait leur maxi. Et maintenant, Stéphanie Paradis. Ok, oui. Ok, oui, t'es prête? Je suis ready. Parce que voici la carte postale musicale de Simon Fitzbay. C'est la carte postale musicale de Simon Fitzbay, Cibé, comme je l'appelle, toujours en direct de ses vacances. Et lui, il fait les choses un petit peu à l'envers de nos autres chroniqueurs, c'est-à-dire qu'il prend des vacances de ses fous, et quand ça lui adonne, il prend des vacances de ses vacances pour nous envoyer une carte postale, c'est cute. Hein? Ah, c'est attentionné. Vraiment, là, c'est rempli de générosité et de comment t'appelles ça, un philanthropiste, philanthrope. Philanthropiste, pas lui qui collectionne des timbres. Oui, ça doit être ça. Ou sinon, un philanthropical. Philanthropical. Oh, on dirait un beau petit cocktail estival. C'est cute. Avec de l'ananas. Donc, c'est toi, évidemment, Stéphanie, qui va remplacer Jean-Philippe, qui d'habitude imite Simon. Oui. Est-ce que tu l'as déjà fait? Oui, j'ai déjà tenté d'imiter Simon. C'est un échec, évidemment. Ben, total. Un peu comme moi quand j'ai imité David tantôt. Oh ouais, mais non, mais pire. Hey, Caroline Dure à battre. Donc, on va te laisser la parole via pour que Simon pénètre ton âme. Ouais. L'âme seulement. Simon va aller mon âme avec mes chansons. C'est une chanson de. Qui chante ça? Aucune idée. Bref, je te laisse aller. Donc, ça commence mal parce qu'il dit salut les gars. Ça fait trop longtemps. Il pourrait, tu sais, s'arranger pour longtemps. Ça. Ben, c'est qu'ils écrivent à l'avance ces cartes postales. Hein. C'est le système postal qui est là. Ah, c'est ça. Ouais, j'étais pas là la semaine passée. Donc, salut les gars. J'ai choisi de skipper une semaine de congé en vous envoyant une carte postale surprise cette semaine parce que je suis tombée sur plusieurs trucs intéressants ces temps-ci. On commence avec Odetta Hartman et sa superbe pièce « End of the World », alors que la très talentueuse multi-instrumentiste nous guide dans sa propre vision de la fin du monde, débutant avec des airs du Bayou et de la Nouvelle-Orléans, en progressant vers une mélodie grandiose orchestrée d'une main de maître avec des échos de chorale et de cuivre des plus harmonieux. Donc, c'est un bonbon que vous pouvez retrouver sur le Bandcamp de l'artiste signé sur l'étiquette Mama Coco's Funky Kitchen, la maison de disques d'Oliver Ignatius, le leader de la formation Ghost Paul. Donc, je reprends mon souffle. Ça, c'est moi qui dis ça. Oui, les paragraphes sont longs, mais sont bons. T'sais. Bien écrit. Oui, c'est du concentré. Oui, d'informations pertinentes. Ouais. Donc, je vous propose ensuite de transitionner avec la pièce Beds de la formation Luskai. Ouais, dur à dire, c'est Luski ou Luskai. Luskai. Bon, je vais dire Luskai, OK? Ouais. Moi, je choisis celui-là. Donc, il s'agit d'une formation indie qui vient tout juste de lancer son premier EP à vie, nommé Deeper Into the Woods. Le groupe originaire de Tuscaloosa, en Alabama, essaie encore de se faire connaître et risque bien de faire parler d'elle dans très peu de temps puisqu'elle a été incluse dans la Bla Lock in the Rock playlist du mois d'août. Donc, il s'agit d'ailleurs d'une liste que vous pouvez télécharger au birp.fm. Ouais. Finalement, j'aimerais terminer la carte postale de cette semaine avec la pièce Such Great Heights. Originalement de la formation de Postal Service, mais reprise ici par Iron and Wine. Il s'agit d'une version très épurée, très lente et rafraîchissante du hit de la formation très éphémère qui célébrait le 10e anniversaire de son seul et unique album Give Up cette année. On peut d'ailleurs retrouver cette reprise sur le second disque de la version deluxe de Give Up. Et je me rappelle que Simon Fitzbay fait jouer cet album-là à son émission en album classique et c'était ma foi fabuleux. Ah oui? C'était vraiment très très bon. Intéressant. Ensuite, j'ai choisi cette pièce parce qu'on apprenait que The Postal Service avait choisi de se séparer après Lollapalooza. Le groupe, qui n'avait pas donné de prestations live avant cette année, est mort de sa belle mort après une tournée triomphale qui fut malheureusement trop courte et qui ne s'est pas arrêtée à Montréal. Bon, bien, j'espère que vous avez aimé. Je retourne à mes noix de coco. Gros câlin à Steph. Ah, oh! Il pensait à toi. Oh! Oh! Mais je suis pas un gars. Ça aurait pu être Stéphane. Et c'est signé Simon. Stéphane d'enfer! Ouais! catch me sleepwalking. A dollar wake me up. I do the same thing every time. I make my way to the city. Oh, and I reach for the men in the women. There's no pressure on the time it takes to see all and lay your love down. La pièce Such Great Heights de Iron and Wine, précédée de Beds avec Luxy et End of the World de Aretha Hartman. Beds, c'est le nom de la pièce aussi, je pense. Ouais. Donc, c'est dans la carte postale musicale de Simon Fitzbay qu'on remercie, bien sûr, de nous écrire comme ça sur son beau petit carton. Ouais, et de nous dénicher de ces petits bijoux. Des perles. Moi, la dernière, me semble, je me serais assise sur le bord d'un feu avec des guimauves. C'est vrai. Faut être dans un certain mood, une certaine ambiance, un certain feeling. Mais c'est le même pour toutes les tunes. Oui. On s'entend. Si t'as le goût d'aller dormir puis que t'as une grosse tune, beaucoup trop de beat qui part, t'as juste le goût de pas ça. Voilà. Donc, on remercie Simon et on le retrouve à son émission Album Classique les vendredis matins à 10h, ainsi qu'à Un Genre de Bleu les lundis soirs à partir de 20h. Allez voir le cifre.ca pour la programmation complète. Et voilà pour la carte postale musicale. On prend une petite pause et après ça, c'est entre autres la chronique de David Ferron, plus tard dans l'émission. C'est un fait, s'en vient aussi. Un paquet d'autres choses. Un paquet. On se pogne le paquet. Ouais, non, quand même, hein? Ça nous anime. C F O U 89.1. Toujours à Assemblage Rocky à la plage avec Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante. Oui, et on a du plaisir sur le bord de la plage où tout inclut de ses fous tout l'été. Il nous reste encore quelques semaines. Faut en profiter, là, ça va finir bientôt, ça. Beaucoup trop vite, hein? Et Colin, que le temps passe vite. On l'a pas tout vu venir. Non. Non. Même que, ouais. Rien d'autre à dire de plus que ça. Et voilà. Rien d'autre. Par contre, je peux t'enseigner des choses. Même si je suis pas très pertinent dans ma. Je suis pas très cohérent dans mes phrases. Je peux être cohérent dans mes connaissances. Oh! Connaissances que je trouve sur Internet parce que je n'étais pas au courant de ce que ça... Je connais rien, finalement. Fait que j'apprends des choses autant que vous autres. Okay? Parfait. Voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Mm-hmm. Et on commence avec Leonardo da Vinci de Vinci. Ouais, ouais. Savais-tu qu'il aimait tellement les animaux que souvent, il allait acheter des animaux en cage juste pour pouvoir les libérer? Ah! Cute, hein? Cute. Faut rien avoir à faire. Vraiment. Ben, faut avoir le cœur grand, je trouve. Ou le portefeuille plein. Aussi. Le plus court vol d'avion, OK, au monde, mesure 1,7 mille. C'est entre deux îles et le vol dure 2 minutes environ. Donc, tu décolles, boum, tu raterris. Ça reviendrait pas moins cher de traversier? Nager. Ou un petit pédalo. Swimming, oui. Traverser un pédalo. C'est le fun, ça. C'est long en passant, se rendre d'un point A à un point B en pédalo. Quand t'es à deux personnes, il faut que tout le monde y aille dans le même bord, non? C'est ça? Ben non, mais c'est parce qu'il faut que tu pédales au même rythme. Oui. Puis on dirait tout le temps, tu sais, le petit bras dans le milieu pour diriger. Oui. Mais on dirait qu'il dirige jamais vers l'endroit où tu l'envoies, tu sais. Mais quand t'es seul, ça vire ça en rond. J'imagine. C'est lointain d'ailleurs. J'ai jamais testé le pédalo, le monopédalo. Le pédalo. Le plus large autoroute au monde, c'est le I-10 à Houston, au Texas. 26 voies de large. Ouch! Wow. Senteur de pet professionnel, c'est un vrai emploi, un job en Chine. Ça paye environ 50 000 $ par année. Je sais pas pourquoi, mais tu peux te faire payer pour être senteur de pet. Moi, je dis... Y a-tu un but derrière ça? Peut-être caché? Pour, tester les parfums t'sais, de pet, genre. Peut-être genre une couche qui t'empêche d'avoir des odeurs de pet. Ah, oh, ça m'écœure. Une ligne aérienne en Inde engage seulement des femmes parce qu'elles sont plus légères. Donc, ils économisent jusqu'à 500 000 $ par année en gaz. Les femmes sont moins lourdes. Ben, voyons donc. Drôle d'idée, hein? Donc, elles sont toutes minuscules en plus. J'imagine. C'est super. Sexiste, puis l'autre affaire, misogyne là, obésiste. Ben, tu peux pas être obèse. Ouais. Je sais pas si... ouais. Pas, je ferais pas de blague là-dessus, mais c'est vraiment juste une observation. Mais je me demande si tout le tissu que les femmes portent en Inde vient rajouter au poids. Et peut-être que s'ils enlevaient, c'est... Tout nu. Ouais. Non, tu sais, ils portent des... t'aimerais ça, toutes les agendes de bord nues? Nues, voilà. En Grèce antique, on croyait que les roues se transformaient en vampires avant leur mort. Après leur mort, voilà. après la mort. Ah, tu veux dire les roues de tête? Roues de tête. Je pensais que tu parlais de roues d'auto. Non, ils vont pas m'en faire. Les autres, ça nous amène à la bonne destination, ils sont bien fines. Le lait au chocolat a été inventé en Irlande. Ah, oh, vive l'Irlande. Chocolat à menthe, non? En Irlande, c'est comme... Ça par rapport à la menthe et Ben non. L'écriture en lettres attachées. Ouais. D'accord. Ça a déjà été enlevé dans le fond, dans les classes, dans 41 États aux États-Unis. Ils enseignent plus l'écriture attachée. Ah! C'est fini. Mais ça. Moi, j'ai vu ça comme après, là. Je connaissais quelqu'un beaucoup plus jeune. Elle apprenait en premier à écrire en lettres moulées. Mais nous autres, on apprenait à écrire en lettres attachées. On n'avait pas le droit d'écrire en lettres détachées, si on veut. Donc, je trouvais ça étrange qu'ils leur apprennent ça en premier. C'est tellement beau. En lettres attachées, j'avoue. Mais c'est vrai que, me semble, l'écriture à ma mère, je trouve ça fluide. Ouais. Me semble que ça coule. C'est fancy. Oui, c'est fancy. Ouais. Ça fait quasiment antique. Là. Oui, ben, c'est ça. Peut-être je m'excuse, maman, je te trouve pas antique, là, mais ton écriture. Ouais, c'était pas très fin. La cocaïne dans les films à Hollywood, c'est en fait des laxatifs pour bébés. Il sniffe du laxatif pour bébé. J'imagine que c'est moins nocif pour le nez que d'autres choses. Donc, peut-être que vu que c'est faible, ça affecte pas vraiment les adultes. J'espère, parce que sinon, ça doit ralentir le tournage. Ça prend deux fois plus de temps. Mais bon. Peut-être qu'ils vont pouvoir engager le senteur de pète à 50 000 $ par an. À n'importe quel moment donné, 0,7% du monde est sous. Donc, 50 millions de personnes sont saoules en ce moment même. Cool! Très cool! On devrait joindre le party! Pourquoi pas? Les colliers de chiens avec des pics dessus, ça a été inventé en Grèce antique, une place très populaire, où à l'origine, c'était supposé protéger les chiens des attaques de loups. Donc, ça protégeait leur gorge, les attaques de loups. C'est cool. Intéressant. Les micro-billes qu'on utilise dans les savons exfoliants, là, tu sais, nous en faire les crèmes pour la face et des petites billes dedans. Ben, c'est fait en plastique, ça. Et c'est d'ailleurs un gros problème de pollution de plastique. Et on en retrouve des tonnes et des tonnes de ces petites billes qu'il y a dans le savon. Mais il y en a que c'est pas du plastique. Ouais, par exemple, le savon à main chez nous, c'est du sel marin. OK, cool. Puis il sent bon. Ben, ça doit. Ouais. S'il y avait, tu rajoutes du caramel puis du chocolat. Puis c'est bon, maudit. C'est vraiment bon. Halle Berry sont en fait pas sa cascadeuse, mais son cascadeur en fait dans le film Catwoman. C'était un homme. Ah! Oui. Il était shapé comme homme un féminin chat. Ou c'est ça, exact. Justin Timberlake, on est dans un bloc vedette et potin ici. Justin Timberlake, comment t'appelles ça, du French toast, là, du pain... Du pain doré, c'est pain doré, voilà. Donc, un de ses pains dorés à moitié mangé s'est vendu pour eBay à 3000 $. Comment? Justin Timberlake. Le premier CD qui a été pressé aux États-Unis, c'était Born in the USA de Bruce Springsteen. Fascinant. L'ancienne vedette du basketball, Michael Jordan, est la face la plus reconnue au monde, plus que le pape lui-même. Face de vraie personne. Ben, j'ai aucune idée de la face du nouveau pape. C'est vrai. Hey, ouais, c'est drôle ça. Il y avait un quiz récemment. Bref, je me rappelle plus trop. Mais on montrait la photo du pape, puis on demandait c'était qui, tu sais. Puis personne ne savait c'était qui. Pourtant, il me semble. Ben, le nouveau, il est encore inconnu pour moi. Ah ouais. Mais ils ont déjà fait ça. J'avais vu une vidéo. Ils avaient fait ça avec l'ancien recteur de l'université. Et il était là, puis il demandait c'est qui cet homme-là, puis personne ne le savait. C'était le recteur. Ouais, c'est plate. Les gens sont pas au courant. T'sais, ils regardent rien, ils lisent pas les journaux. Pis... Ouais, mais je sais pas. Ils doivent pas montrer toujours les faces. Ouais, lecture légère, là, s'il vous plaît. Hey, le pape, le lâche-moi. Littéralement, ouais, lâche-moi. Dis le petit garçon. Ensuite, on passe au sport. Non, on passe pas du tout au sport. En fait, c'est le contraire même. Einstein. A commencé à être intéressé par la science quand on lui a donné une boussole magnétique quand il était jeune garçon. Oh. Donc, donner des cadeaux scientifiques à vos jeunes neveux, nièces. Mais c'est pas les Barbies, là. Ouais. Puis les stéréotypes de sexe, là, de genre, gars-fille. Exactement. Ça va faire. Hein? Moi, quand j'étais petite, je jouais aux petites autos. Voilà. J'ai déjà eu un microscope en cadeau. Cool. J'ai vraiment trippé, là. Génial. C'est pas un cadeau de petite fille d'habitude. Non, mais j'ai adoré. C'est ça, les stéréotypes, là, on a assez de ça. Et voilà. Revenons à Michael Jordan, qui fait plus d'argent de sa commandite de Nike que tous les employés de l'usine de Nike en Malaisie. Alors ça, c'est un peu triste. Déplacé. J'aime pas ça. En sport, le premier... Pourquoi est-ce que c'est... Non, c'est marqué sport, mais c'est mal tagué, mon affaire. C'est sur le compte de sport, mais c'est pas partout de ça. Bref, le premier testament a été écrit en 2550 avant Chosbin. 2550 avant. Ça fait longtemps. Petit bout. petit peu. Un petit calcul rapide, là, ça ferait 4513. Je te trouve courageuse de t'être essayée. Mais c'est pas ça? Je sais pas. Est-ce que j'ai suivi ça, moi, trop de chiffres? Le gâteau de mariage, encore dans la catégorie sport ici. Gâteau de mariage, oui, mais c'est du sport, le mariage. Ah oui. Le gâteau de mariage, à l'origine, était lancé sur le marié et la mariée, à la place de manger le gâteau, finalement. Ah! Quelque chose, hein? Mais ma grand-mère m'a déjà raconté que son gâteau de mariage, c'était du carton. Ouais. Mais tu sais, comme avec juste les glaçons, étages d'en dessous? Moi, je sais pas, c'était comme pas clair. Mais elle non plus, je pense que c'était pas clair, là. Mais, c'était Francine, en fait. Comme, non. Mais non, mais elle me parlait de ça, que c'était pas vraiment un gros gâteau complet, puis qu'il y avait comme beaucoup d'étages de carton. Ouais, comme sûrement qu'avec le nombre d'invités, c'est ça. Tu fais un gros gâteau ben, en carton en dessous, puis le reste. Mais si le glaçage est là, pareil, en ben, bas. Ben, tu ouais. liches le carton. Ok, tu chauds le carton ou pas, je m'en sac, là. Et que c'est bon. Toujours en sport, la saveur qu'on appelle gomme ballon. En fait, c'est une combinaison de menthe wintergreen, de vanille et de cassia, une sorte de cannelle. Mmh. Intéressant. Ben vraiment. Je vais me faire un drink à ça. Hein? Ben prends ça là, garde-moi ça de côté, je veux savoir ça, je vais me faire de la saveur de gomme ballon maison. À sonlagerequis.com. Ouh! Toujours en sport, la maison Maxwell House. Ça va être le running gag de la journée. Le Maxwell House, une maison en fait, c'est un hôtel de luxe à Nashville, au Tennessee, qui était reconnu pour son café. Hein? Maxwell House, pas du très bon café, je dirais, mais du café. Du café de base. Correct. Pour tu sais, de tous les matins, mettons, tu t'emmènes dans ta tasse pour le bureau, ça fait un job. T'as réveillé, là. C'est ça. Pas pour le goût, mais non. Pour le besoin physique. C'est comme du vin de dépanneur. Ouais, ça, c'est quand t'es rendu à ta quatrième bouteille et tu le goûtes plus, là. Ouais. Toujours en sport, mais pour vrai cette fois-ci. Hey! Wow! Une balle de golf. À l'origine, c'était fait de yeux de vache séchée. La NCAA, ça c'est le football, qui demandait, en fait, qui forçait les joueurs de football collégien, c'est ça, c'est le football collégial, là. Bref. Ils devaient étudier pendant la mi-temps, jusqu'en 1925. Tu sais, vu que c'est des étudiants. Ben là, il y a des limites. Je sais bien. Mais c'est comme, je veux dire, c'est parce que t'es là pour étudier, là. Fait que... Il y a des limites? Ben oui. Mais comment, le focus? Focus. Focus? La Coupe Stanley, à l'origine, mesurait 2 étages de haut. Mais on disait que c'était trop difficile à transporter. Tu veux dire 2 étages? 2 étages de haut. 2 étages... De maison. De maison? 2 étages de maison. Ben, mais c'est quoi l'idée? Tu ranges ça où, après? C'est une coupe, là. Je veux dire, c'est un prix, là. Une petite affaire, là, niaiseuse, que tu peux transporter au-dessus de ta tête, là. C'est pas un gros prix, ça, là. Ben non, hein? C'est... le baseball. En fait, les balles de baseball, à l'origine, étaient fabriquées à partir de... comment t'appelles ça? La petite peau qui est sur le devant de l'engin du cheval. J'imagine la même chose que chez l'humain. Ben, probablement. Là, ça, cette petite peau-là. De prépuce? Prépuce. Les balles de baseball, c'était fait avec ça. Mais c'est d'un cheval. Je sais pas si le cheval, à chaque fois qu'on tapait à la balle, c'est faisait comme... Hey, seigneur! Aïe! Oh, pauvre petit cheval. Ça va être chose qui va l'acheter, là. Puis le libérer. Ah oui, Léonard de Vinci. Les joueurs de foot de rugby. Fait que là, on est en politique, c'est ça? Toujours en politique. Les joueurs de rugby australiens. Aller chercher un docteur. En fait, non, c'est ça. C'est qu'il y a un joueur qui est allé chercher un docteur, qui est allé rencontrer un docteur après avoir passé 4 mois à vivre un mal de tête extrême qui ne voulait pas s'en aller. Le docteur a trouvé une dent dans son front, une dent d'un adversaire au rugby. Ah, tu te rends pas compte de ça? C'est peut-être ça que j'ai. Peut-être une dent? Non, mais ça fait comme... T'as une dent contre moi? Ça fait comme 5 jours j'ai mal à la tête. Moi, j'arrête pas de dire, ça y est, j'ai le cancer du cerveau. Ouais. Mais j'ai peut-être juste une dent qui me pousse dans le front. On te souhaite. Merci. On te souhaite. Est-ce que tu joues au rugby? Non, honnêtement, je sais même pas c'est quoi. Non, c'est ça. Est-ce que tu fais quelque chose qui pourrait demander une dent dans le front? Réponds pas à ça. Ouais, non, c'est ça. Il n'y a pas 2 zèbres qui ont le même pattern de bande, le même... Zébrage. Ah, oh, c'est bon, ça. Ah! Après les ombrages, les zébrages. Fait que c'est comme des empreintes digitales. Des empreintes avec un Z. C'est un peu comme... c'est comme... Parenthèse ici. Dans la salle de bain, les nouveaux urinoirs sont de marque Z-U-R-N. Zurine. Tu vas aux urinoirs. Zurn. Je trouve ça génial comme marque. Ah! Ça abuse les enfants. Oh oui. Il y a des... T'as un peu. On va aller à ceux-là. Les cobras. Tu sais, les cobras, dans les quand on... la petite flûte... Pour faire le... En fait, ils sont attirés par la flûte et non pas le son. Ben oui, ça, je savais que c'était le mouvement de la flûte. C'est comme avec les corridors, là. Les toréadors. Les toréadors. Ouais, c'est le mouvement du... De l'affaire. De la nappe, là. De l'affaire. drap, là. Hey, fiez-vous pas sur nos informations, s'il vous plaît. 4% des Américains sont déjà endormis sur la toilette. Est-ce que c'était une urine? 4%? 4%. Ben, ça m'étonne que ça soit pas plus. Moi pour aussi. Vrai? C'est bien relaxant. Non, mais je sais pas, tu te réveilles le matin, t'es obligé de te lever parce qu'il est comme 5 heures. Ça, c'est la pire affaire d'être obligé de te lever parce que t'as envie et non pas parce qu'il faut que tu te lèves, tu sais. Ben oui. Plate, ça. Ça t'es-tu déjà arrivé, toi, de faut que tu te lèves la nuit pour aller au petit coin ou de pour aller boire? Ouais. Mais là, tu retombes comme dans un semi-sommeil et tu rêves que tu vas boire ou tu rêves que tu vas aux toilettes. Ah, oh, puis là, ben, tu finis pas complètement sa toilette, tu reviens dans le lit, puis ton rêve continue, puis tu pisses dans le lit. Non, ben non. Mais moi, mais ça m'arrive souvent de rêver que je fais ce que je veux faire la nuit, tu sais. Hey, ça, c'est plate. Je suis content de pas me rappeler de mes rêves dans ce cas-là. Non, tu te réveilles, t'es comme, ah, j'ai encore soif, je viens d'aller boire dans mon rêve. Au tout début, l'Internet était supposé s'appeler le KateNet. C-A-T-E-N-E-T. Kate Net. C'est horrible. Peut-être plus CatNet avec toutes les vidéos de YouTube. Ah, ben oui. Peut-être plus. Et voilà. C'était la journée très récemment. On parle du 5 août dernier. C'était la journée nationale du sous-vêtement. Félicitations. Ah. Fallait-tu pas en mettre comme la journée sans maquillage? La journée du maquillage, pas tu te maquilles? Je sais pas. Il appellerait sûrement ça la journée commando. J'imagine. Commando. Commando. On a déjà entendu dans cette chronique, c'est un fait, que le nom d'Omer dans la version arabe est Omar Shamshoun. On l'a déjà dit, Omar Shamshoun, et qui boit de la bière, à la place de boire de la bière d'œuf, il boit du jus d'œuf, parce que tu sais, l'alcool, dans les pays arabes, c'est pas nécessairement quelque chose que les gens peuvent faire. Et ben, je connais absolument rien là-dedans. Mais dans la version arabe, toujours des Simpsons, ils essaient de, comment dire, désaccentuer ou enlever l'accent sur la relation entre Smithers et M. Burns. Donc, les blagues où il y a des second degré sous-entendus, où Smithers est en amour avec M. Burns, ben évidemment, dans la version arabe, il n'y a pas ça. Ah! Bon. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que le jus d'œuf, là, ouais. Quand Homer est sous, c'est quoi la raison et l'explication que tu trouves à ça? Moi, je dirais qu'ils doivent couper ces scènes-là complètement. Ça me surprendrait pas. Moi, je pense que oui. Je serais vraiment curieuse de voir. Bizarre. Sinon, peut-être qu'il est tellement euphorique parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de jus d'œuf. Il trippe par la. Un peu comme les enfants avec le sucre, tu sais. Ben ouais, un peu trop. Je sais pas. Savais-tu que les noms, les prénoms Alexis, Alexis, Ashley, Aubrey, Audrey, Beverly, Brooke, Carol, Courtney, Dana, Ethel, Jocelyn, Kelly, Kelsey, Kimberly. À l'origine, c'est tous des noms de gars. Toutes les gars. Jocelyn. Ben ouais, ça je peux comprendre. Mais Jocelyn. Bref, bizarre, hein? Hein? Aladdin. En fait, dans l'histoire originale, l'histoire sur laquelle c'est basé, bref, les films et tout ce qu'il y a eu par la suite, là, Aladdin, à l'origine, était chinois. Et l'histoire se passait en Chine et non pas au Moyen-Orient. Un homme s'est déjà noyé lors de rade. J'espérais qu'il y avait dessus. C'est un fait! Un homme s'est déjà noyé à une fête regroupant 100 lifeguards qui célébraient un été sans aucune noyade. Mais c'est c'était rassemblé. On fait un party, personne s'est noyé de l'été. C'est un peu loser. Oui, en effet, c'est très loser. Une prison au Brésil permet aux prisonniers de pédaler sur des vélos d'exercice pour faire fonctionner les lumières dans une ville proche de là. En échange, ils ont une sentence un peu réduite. Oh, j'aime ça. Oui, méritez votre sortie. En moyenne, les gens qui se plaignent vivent plus longtemps. Ça relâche la tension et ça augmente ton système immunitaire et ça augmente, bref, ta santé en général. Bon, je vais vivre très vieux. Exactement. Et on se comprend là-dedans. On est l'émission qui chiale le plus, je pense. Les femmes ont plus de glandes de sueur que les hommes. Mais par contre, les hommes produisent plus de sueur dans ces glandes-là. Fait que ça s'équivaut. Et voilà. Les chiens ont leur propre version du trouble obsessif compulsif, le TOC, qu'on appelle le CCD. C'est le Canine Compulsive Disorder. J'ai déjà vu ça. Le chien courait toujours au même endroit dans la cour arrière. Et ça faisait vraiment un tracé... de terre, parce qu'il courait toujours au même endroit, ça faisait un pattern dans la pelouse. Pauvre chien. Ben ouais, t'es un petit Leonardo. Peu nerveux. Pour le libérer de ses tensions. Mot du jour, tiens, qui vient du Scottish Gaelic, c'est le Sgiomlaireachd. Hein? Oui, l'accent est tout à fait exact. Évidemment, c'est le type d'ami qui se présente seulement lorsque t'es en train de faire à manger. Ah! Ah, je peux te manger chez vous. C'est pas comme un peu comme Reynald et Lison dans La Petite Vie qui arrivaient toujours sur l'heure du souper? Ils sont des Sgiomlaireachd. Ah! Retenez pas ça. Non. Un autre mot en japonais maintenant, tsundoku. Plus facile à dire. Tsundoku? Non. Tsundoku. C'est d'acheter une pile de livres et finalement jamais les lire. Ah, je fais tellement ça. T'as un beau mur, par contre. Avec des livres. C'est beau. C'est beau. Mais je sais même pas si j'ai lu comme le corps de ma bibliothèque. Mais je m'y mets, là, cette semaine. Et finalement, il y a des espèces d'oiseaux, en fait plusieurs espèces qui sont tellement gloutonnes, un peu comme toi avec la loutre gourmande. Ouais, mais la loutre, c'est pas un oiseau. Non, mais t'es une sorte de gourmande. Ouais. En tout cas, t'es un animal gourmand. Bon, ça, c'est vrai. il y a des espèces d'oiseaux qui mangent tellement qu'ils deviennent trop lourds et ne peuvent pas voler. Oh! Oh! C'est peut-être l'ancêtre de la poule. Peut-être. Au sud-or! Et voici Guy Mongrain. C'est assez pour cet fait aujourd'hui. Ça n'est... Non, c'était rien du tout. C'est un fait. À chaque semaine. Et voilà. Presque. Et on finit sur Guy Mongrain. Guy Mongrain! Qui veut finir sur Guy Mongrain? Ça. Une orgie Mongrain. Une orgie de monde. Ouais. Retrouvez les liens sur assemblagerequis.com. Et on va terminer l'heure ici. Tout à l'heure, on aura la présence de David Ferron qui s'en vient pour sa chronique La langue dans ton oreille, n'est-ce pas, David? Non, il nous écoute pas. Il est trop concentré. Il travaille fort. Il est comme une canne de jus d'œuf. Trop concentré. Puis quand ça explose, ça devient hystérique, ça saute partout. C'est ça. Puis à la place de l'appeler David Ferron, on va l'appeler David Chamchoun. Ouh. Restez là. Bonjour, c'est la deuxième heure de l'assemblage avec à la plage. En cette semaine du 5 août 2013, c'est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau ne sera pas avec nous du tout, je pense, aujourd'hui. En tout cas, ça devrait pas. Tabarouette. Ça devrait pas, mais ça bon. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Oui, ben vous êtes jamais là en même temps, donc les gens pourraient présumer que vous êtes la même personne. Oui, on se ressemble beaucoup. Jusqu'à preuve du contraire. Les cheveux. Mm-hmm. Le poil. Il est très velouté. Ah, puis moi, j'ai oublié de me faire la barbe ce matin. Donc, ça pourrait être confondant. Ouais. Donc, tout à l'heure, David Ferron va s'en venir avec sa chronique La langue dans ton oreille. On a aussi quelques jeunes talents qui s'en viennent en studio nous chanter quelques chansons. Oh. Et puis, plein d'autres affaires, ça vient d'ici la fin de l'émission. Et pour l'instant, on continue le palmarès francophone. On saute par-dessus les positions 15 et 14, c'est-à-dire ponctuation. Ciao, bye, ciao. C'est comme un genre de tourne-langue. Et Alex Nevsky avec Tuile Désir, on s'en va en 13e place. Et c'est des shooters de force sur ton bras, des saboulés. Mm-hmm. Le titre est long, je trouve. Mais sont forts, hein? Ah, ouais. Ah, j'ai pas dit bye, pas remis les choses à leur place. Pas laissé de mots, juste ma photo en grimace. Ça fait du bien, un peu de vent dans la face. Ah, ah, je suis cassée tête, mais j'ai trouvé de pièces pour aller boire des shooters de phare. Puis sur ton bras, ah, news. Me prennent d'assaut. C'est juste le temps qui passe, on viendra. S'il faut encore la joie d'être pris dans le trafic, avec des bulles sur le bord de la route qui vendent des voyages au Mexique. Se fait plus rare. Je m'y fais pas la routine, c'est vraiment pas mon exutoire. Il faut que je prenne la fuite, la prochaine sortie. Aujourd'hui j'en pas, je fais la paix avec ma folie. C'est comme étonne, les années 80 qui revient à mal. Atomic Baobab et Radio Réveil montent de 4 places en 12e position francophone. Et tout juste avant, c'était les Saboulés avec des shooters de force sur ton bras. Mm-hmm. Tantôt, on écoutera d'autres musiques du palmarès franco, mais avant ça, on accueille David Ferron. Yay! Yeah! Yeah! Oh, faut l'applaudir en plus, comme c'est pas n'importe quoi. Mais il était tôt, faut pas que j'y remette un peu. Salsa! Vous êtes pépé. Je m'ennuyais du petit chat. Hein? Ouais. Comment oublier ce petit chat charmant et charmeur? Ben, c'est toi, ça, charmant et charmeur. Ça résume ta personne, David Ferron, qui est de retour après un congé quand même assez considérable. Oui, je le sais. Vous savez, quand on est à la maîtrise, il faut... Des excuses. Ouais, mais c'est important d'être un étudiant assidu, surtout à la maîtrise. Donc, c'est pour ça que je pouvais pas venir de manière régulière. Donc, pour me venger, je vous engraissais avec de la bonne bouffe. Miam! Hein? Ben, on a compris ça avec les semaines, là, tu es de plus en plus gras ou sucré, là, tu sais. Mais ça fait... il a commencé comme tout bon, là, du bon yogourt grec. Ouais. Quand même santé. C'était gras quand même, là. Oui, mais c'est santé. Là, on était des whippets. Là, c'est juste les deux. C'est gras, pas santé, là. Pour ceux qui suivent pas, là, c'est que David nous a amené de la nourriture en studio et on en parlait en ondes. C'était bien le fun. Mais fini cette belle époque. Ouais, il va falloir. maintenant, on va se nourrir avec nos oreilles. Ah, oh, wow, cliché, toi. Ben, la chronique s'appelle La langue dans ton oreille. Ben oui. C'est ça l'idée. C'est de se verser comme avec un entonnoir, de la petite sauce musicale. Ouais. Du jus de musique. Du jus de musique. C'est un concentré de la meilleure vitamine C musicale. Je sais plus quoi dire. Superbe. Donc, tu nous parles de retour aujourd'hui. Oui, parce que ça correspond à mon retour, mais aussi, quand on parle de retour, on peut parler de celui de Stéphanie en première heure, on peut parler du peut-être possible monopole d'Apple avec iOS 7. Okay. Le même combat, hein? Pareil, hein? Ouais, hein? Ah, c'est sûr, surtout que ça n'a pas copié du tout Android, mais... Les pins, toi, sont récentes, là, fraîches, hein? C'est... Comment retourner les morts à la vie. Voilà. Mais on parle aussi des retours d'ascenseurs, des petits retours de bébés, du retour espéré des Nordiques, etc. Et etc. Mm-hmm. Bref, les retours peuvent prendre diverses... Retour d'impôts. Oui, ça, c'est le fun, des retours de même. Ah, ça, c'est loin, le retour d'impôts. On n'en a jamais aussi, des retours d'impôts. J'ai jamais eu, ouais, c'est ça. Ah, c'est plate, ça. Ouais. Et bref, les retours. En fait, il y a trois chanteurs qui vont nous parler de retours sous diverses formes. Et le premier chanteur, c'est Raphaël Fresnay. Est-ce que vous connaissez Raphaël Fresnay? Ben oui. Ça a l'air vrai demain. Non. Ben, tu te rappelles pas d'un toilette portative au stock? Tu t'en rappelles pas, Steph? Quoi? C'est une blague de mauvais goût. OK. Tu t'en rappelles pas? Non. Non, pas du tout. Non, en fait, c'est pas lui, c'est un nom. Genre, je m'en rappelle pas, ça aurait rien donné. Ouais, hein? Mais comment il va ton bébé? Même moi, je comprends pas les insides. C'est d'habitude l'auditeur qui comprend pas les insides, mais c'est l'animateur qui comprend pas les insides. Non, mais c'est pas à l'actualité parce qu'il y a une fille qui a été dans un festival, je sais plus trop lequel, je pense que c'est Woodstock en Bourse, je sais plus trop quoi. Là, elle fait l'amour avec dans une bécasse portative et là, elle tombe enceinte. Ah oui, sur Facebook, c'est un spoté à quelque chose. Ouais, c'est référé à ça, mais pour revenir à Raphaël Fresnay, en fait, ça m'étonnerait que Stéphanie et Raphaël aient fait des choses ensemble parce qu'ils habitent en Alberta. Oh. Et que j'étais pas à Woodstock en Beauce. En plus. Puis lui non plus, parce que en fait, il est davantage occupé à tourner autour du Canada. Il va même au Yukon faire des spectacles. Et ça, faut vraiment le vouloir. Y a-tu du monde au Yukon? Je pensais que c'était une légende. Non, non, y a du monde. Y a même des artistes de là-bas. Je me rappelle plus c'est quoi. Faudrait que je trouve le nom, mais ça ressemble beaucoup à mes aïeux. Faudrait que je retrouve le nom. Si je le retrouve, je vous le dis. Cool. Mais en fait, Raphaël Fresnay ne fait pas juste de la musique. Il est également comédien. Il a même joué... en fait, dans une pièce qui s'appelle « L'homme de la mancha » à Edmonton et son album, en fait, dont est tiré le titre « Retour sur Terre, soit le monde à voir », a été élu meilleur album francophone de l'année au Western Canadian Music Award. Ça, c'est comme les Juno, les Grammys, mais version... West Canadien. Ouais, exactement. Et là, on va écouter « Retour sur Terre ». Écoute ça dans la langue dans ton oreille, c'était avec David Ferron dans son âge requin la page. Ouais. Puis il y a des beaux bras en passant. David, ça? Ouais. Ça, il y a du bicep. C'est le crossfit, là. Une joke de cross encore. Fit. Non. Ouais. Je suis ensemble. À la vitesse de la lumière, il file en moi le paysage. Les odeurs qui sont familières, je sais, je finis mon voyage. J'ai appris à toujours apprendre, à ne rien prendre pour acquis, même assis ici à dans la nuit. tellement rêvé de ce lieu étrange. J'écoutais une autre vie, j'écoutais l'orange. Mais comme tout passe, comme le monde se casse, est-ce que je me suis perdu pour ce fruit défendu? Retour sur terre, un long trajet sur des ailes de fer. Je compte mes jours. Seras-tu là au moment de mon retour? C'était Raphaël Frenet avec la chanson « Retour sur Terre ». Et parlant de retour sur Terre, en fait, retour sur la planète musicale, parlons de Étienne Dao, le chanteur français. En fait, la chanson que je vais vous présenter, c'est « Chanson de l'innocence » et entre parenthèses « Retrouvée ». Okay. Donc, ça parle des en fait des gens marginaux, si je faisais ça comme ça, qui s'acceptent comme tels et qui se foutent des convenances sociétales. Et en fait, Étienne Dao, c'était dans les années 80 et début années 90, une méga star française. C'était l'icône pop. C'est un peu le Justin Timberlake français, sauf que là... Ouais, sauf que au cours des années, il distance la durée de ses albums. En fait, il attend plusieurs années entre ses deux albums, comme là, son dernier album est sorti en 2007, et son prochain sort en novembre. Donc, à peu près 6 ans de différence. Mm-hmm. Et aussi, il préfère faire davantage de tournées. Il est pas très présent dans les médias. Il est très discret. Donc, il préfère davantage aussi écrire pour les autres. Il a écrit notamment pour des personnes qu'on connaît pas du tout, comme Charlotte Gainsbourg, Alain Bachung, Jane Birkin, Marianne Faithfull ou Françoise Hardy. Plein de monde qu'on connaît pas. Des nobody. Ouais, genre des débutants de la relève. Là. Excuse-moi, Excuse-moi. C'est du sarcasme. Oui. Ironie. Est-ce de l'ironie ou du sarcasme? Sarcasme. Sarcasme. Oui, c'est le sarcasme parce que Françoise Hardy, tout le monde connaît ça. Puis elle continue à chanter quand même. En 2000, en fait, elle a sorti un album l'année dernière. C'est très orchestral, je ne me rappelle plus du nom de l'album, mais c'est excellent. Allez écouter ça si vous aimez de la musique orchestrale avec des textes sombres. Ça vaut la peine. Parce qu'elle est toujours active. Et pour Étienne Dao, on va écouter la chanson « Chanson de l'innocence » entre parenthèses « Retrouvée » tirée de l'album « Chanson de l'innocence retrouvée » qui sort en novembre. Sérine, c'était. C'était la chanson, chanson de l'innocence retrouvée d'Étienne Dao, icône pop et considéré comme un modèle. En fait, c'est considéré comme le parrain de la pop en France. Il y a le parrain de la mafia, il y a le parrain des parts. Non, on peut dire ça, non. Le parrain des parts, le parrain. Le purin, ça. Le purin. Ça n'est pas. Il y a le purin là, il y a le purin de la pop qui nettoie nos oreilles avec des chansons magnifiques. Nettoyer les oreilles serait du purel. Oh! Ouais, c'est vrai. Ça va loin, là. Ouais. Ben, bref, on a pu se délecter nos oreilles avec Chansons d'innocence avec Étienne Dao dans un autre registre complètement. Nous allons rencontrer La Rue qui est à nous. Et La Rue qui est à nous, c'est un trio français formé de trois chanteurs qui se répartissent plusieurs instruments comme la guitare, l'harmonica, les percussions, l'accordéon, etc. et etc. Et en fait, le trio a commencé sa carrière dans les rues en faisant des spectacles mélangeant théâtre et chansons. Mais c'était pas tout à fait des comédies musicales, c'était autre chose. C'était un autre style complètement. Et leur devise était « C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. » Oh. Donc, ça explique le nom. Et en fait, le groupe mélange des sons de type tzigane, folk, reggae et pop. Et la chanson qu'on va entendre, c'est « Revenir de loin » qui nous dit que parfois, descendre une montagne, c'est parfois et pas mal souvent difficile que de la monter. Écoutons cette leçon de vie. Faisons de ces fous comme un enfant. C'est pas facile, comme dit un copain, de revenir du lointain, trouver des traces sans se tromper. Avec cette neige qui est tombée, je garde quand même votre odeur, celle de la peur ne pas vous retrouver, celle de la joie qui nous attend quand la musique aura recommencé et on dansera comme des fous. En chantant tout ce que l'on ne comprend pas, tout ce que l'on aura ramené entre nos chutes et nos envolées. Avec ta maman, quand on a passé autant de temps avant de pouvoir se parler, de s'avouer que l'on s'est aimé, malgré les vents qu'on porte nos mots, pour le mal de tête et mal de dos. Revenir à l'heure pour le dîner, c'est pas le mieux de ce que j'ai fait, mais je reviendrai frapper à ta porte et faire le singe devant ta fenêtre, tendre des fils et qu'ils emportent les cerfs-volants au-dessus de nos têtes. C'est pas facile de descendre la montagne quand t'as eu du mal à grimper, pas savoir où tu poses tes mains, pas savoir où tu mettras tes pieds. Faut du courage pour se regarder, garder les choses au fond de son cœur et ne pas perdre l'envie de voir briller son étoile du nord. Ma bonne direction, c'est vous. Et quand vous bougez, j'adore ça, voir qu'entre mon diable et puis mon ange, tout ce qui reste est si mélangé. C'était c'était La rue qui est à nous avec la pièce Revenir de loin. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de chronique, je m'en allais avant la fin de la chanson. C'est vrai, il a enlevé ses écouteurs, il a fermé son ordinateur et tout, il est déjà parti lui-là, mais il fallait qu'on te remercie. Ben oui, ben c'est gentil, puis merci de m'avoir accueilli, parce que moi, en fait, j'étais tellement pressé de m'en aller parce que je voulais laisser la place à une belle relève musicale. Ouais! Ton bloc thématique était sur les retours, mais tu sais que retour t'engage à être là pour le reste de l'été, ça? Si vous voulez. Si on veut de toi, on veut de toi. Steph? Oui, oui, on te veut. Tu me veux, moi ou mon physique, hein? Ah, oh, c'est classe pour tes biceps, là. Le choix est dur à faire pour moi. On te retrouve donc la semaine prochaine dans Sur la Jouer à la plage. Merci encore. Ben, faites plaisir, puis passez une belle émission et une bonne semaine. Pareillement. Nous, pour l'instant, on va prendre une petite pause. Après ça, c'est les jeunes talents qu'on reçoit. Donc, un groupe. Est-ce qu'on peut dire groupe quand ils sont deux? En fait, ils sont trois personnes. La personne qui s'occupe de ces deux personnes-là, c'est comme... Je sais pas c'est à partir de combien que c'est un groupe. Dur mais... à dire. Non, mais un groupe de deux, comme ça se dit. Ce sera ma première question. C'est bon. On garde ça en note. Restez là. La radio autrement. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Toujours ensemble à jouer à la plage avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. Oh, oui, que oui, que oui. Jean-Philippe Charbonneau, en fin de compte, on ne sait pas s'il va venir, on pense pas. Ben écoute, ça sera une surprise. Mais on mentionne son nom pour un petit peu comme quand tu étais pas la semaine passée. Laissez quand même ta marque sur l'émission. Oui, je me suis sentie quand même intégrée à l'émission la semaine dernière. J'avais l'impression d'être là. C'est le fun, hein? C'est drôle. Ben oui. Un fou roulant de gags. Moi, j'ai bien aimé les gags de Kit Kat Chunky. Oui, Kit Kat Chunky, c'est une blague de barre de chocolat, mais... Il y a des jeunes dans le studio, c'est un petit peu inapproprié comme blague. Moi, j'ai dit Kit Kat. Oui, moi. on écoute une petite pièce du palmarès francophone avant de continuer avec nos jeunes talents. Position numéro 11, stable, Stéphanie. Et c'est Repose-toi bien de Forêt. OK. Non, non, mais laisse-moi pas tout seul, je comprends pas la console. Faudrait que je te montre un jour, hein. Si jamais je tombe dans les pommes. Ben oui, c'est déjà arrivé, presque. Ouais. J'ai traversé le ciel sans dormir. J'attends ton sourire, je te salue de la main tendue vers le ciel. 9. Caféine et la pièce L'Orpheline, position numéro 9 du palmarès francophone. Ça monte de 9 places. On a sauté par-dessus les Indiens et Crâne en 10e. Et puis, on a écouté Forêt avec Repose-toi bien, stable en 11e au début du bloc. Voilà pour ce palmarès francophone qui continuera tantôt. Mais avant de continuer en musique, on reçoit Isabelle Bédard. C'est bien ça, là? Oui, c'est bien ça. La dernière fois, je me suis des talents de la jeune relève. Bonjour à toi. Bonjour, ça va bien, Mathieu? Ça va très bien. Deuxième fois contre soi en studio. Oui, exactement. Merci beaucoup de nous accueillir encore. Ça fait plaisir. Très apprécié. Ça montre que les jeunes talents sont une source inépuisable, hein? Oui, exactement. On a tellement de jeunes, c'est-à-dire avec différents talents, qu'on vient vous en présenter deux nouveaux. Mm-hmm. Donc, cette fois-ci, on va vous présenter quelqu'un qui chante du jazz, et auteur, compositeur, interprète. Donc, une chanson unique et originale. Merveilleux. Ben, parlons en premier des talents de la jeune relève. Donc, est-ce qu'il y a des spectacles qui s'en viennent? Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Est-ce que vous allez les amener en quelque part? Ces jeunes-là, je sais que c'est le but de la chose. Là. Oui. Je me rappelle bien de la dernière fois. Oui, exactement. Nous, en fait, on a recruté des jeunes dans les écoles secondaires, puis on leur fait faire la tournée des événements culturels en Mauricie. On a deux spectacles qui s'en viennent. Premièrement, le 14 août à Saint-Narcisse. Ça s'appelle les Mercredis Agora des Jardins. Et le groupe Other Side qu'on a ici en studio vont performer là. Et le dernier événement de notre saison estivale, ça va se passer du côté de Saint-Aide-Caxton. Ça s'appelle la Dérape culturelle. Et la jeune interprète de jazz qu'on a ici en studio va y participer. Bon. Donc, et le groupe Other Side aussi. Donc, c'est un 2 en 1. Ils vont participer à deux événements et ils font la promotion aujourd'hui. On est chanceux de leur parler avant tout ça. Oui, exactement. Commençons avec notre première invitée déjà. Oui, totalement. Donc, je vous présente Amy Topolovec. Elle a 17 ans. Elle provient de l'école Chavigny. En fait, elle a tout récemment gradué. Donc, elle félicitations. Félicitations. Donc, elle s'en va au cégep à l'automne. Et Amy a deux talents vraiment très particuliers. Elle chante du jazz et de l'opéra. Quand même, deux registres assez variés. Donc, bienvenue en studio, Amy. Ça va merci, bien? Merci, oui, toi? Oui, très bien. C'est super de te recevoir, bien sûr. Commençons, tiens, avec, pour commencer, quand tu as commencé à chanter? J'ai commencé à chanter à l'âge de 4 ans. Et comment est-ce que tu as commencé? 4 ans, c'est jeune pour se mettre sur le oui, mais ouais, ben, j'aimais beaucoup, je pourrais dire, Britney Spears, puis aussi, j'aimais beaucoup aussi Céline Dion, qui était une de mes idoles, et Shania Twain. OK. Fait que j'ai été inspirée par eux, puis ça a commencé comme ça. Est-ce que tu chantais devant ta famille? Oui, beaucoup. J'imagine que c'est comme ça. Pourquoi est-ce que tu aimes être sur la scène? Pourquoi j'aime être sur la scène? Je dirais que c'est parce que tu peux livrer une émotion avec d'autres gens, puis tu peux la partager, puis en même temps, c'est vraiment amusant voir les réactions du public, puis tout ça, là, moi je trippe. Ça m'encourage. qu'est-ce qui t'attire le plus à faire une présentation devant public, une représentation? Je dirais, c'est le fait que tu sais jamais c'est quoi la réaction en dépendant d'une chanson que tu vas faire. Si c'est triste, des fois, il y en a qui vont pleurer. Puis si c'est plus amusant, il y en a des fois qui vont embarquer avec toi, ils vont applaudir des mains, ils vont chanter avec toi. Puis c'est ça que j'aime. Gamme d'émotion. qu'est-ce que tu fais avant d'entrer sur scène? Est-ce que tu as un rituel à chaque fois que tu performes? En fait, je fais quelques vocalises, je pratique pour une dernière fois, puis juste avant de rentrer sur scène, je prends une grosse respiration, puis je me dis, t'es capable, Amy, puis donne de ton meilleur. comment est-ce que tu gères ton stress avant un spectacle? Moi, c'est un petit peu bizarre parce que mon stress, il est pas vraiment avant, je suis comme à l'envers, qu'on pourrait dire. J'ai un petit stress avant d'entrer sur scène. Dès que je commence à chanter, j'ai plus de stress et mon stress, c'est après que j'ai chanté. Est-ce que j'étais assez bonne? Est-ce que les gens oui, m'ont aimé? Oui, c'est ça. Okay. Est-ce que les gens m'ont aimé? Fait que comment je gère? C'est plus les gens qui gèrent pour moi parce que c'est dès que les gens vont venir me féliciter, dire que ça, tu sais, que oh, ça s'est bien passé ton affaire, puis ah, t'étais bonne, là, je vais faire comme oh, OK, là, le stress est parti. comment est-ce que tu fais la sélection des chansons que tu fais pendant le spectacle? Souvent, les spectacles ont un thème, fait que je vais y aller par rapport au thème. Ou sinon, je demande, est-ce que je peux faire une chanson triste ou une chanson plus joyeuse? Puis si on me dit, t'as carte blanche, je vais faire les deux, si je peux faire deux chansons. Puis ou sinon, si on me dit, non, je veux pas que ce soit triste, ben, je vais choisir une chanson joyeuse. OK, cool. est-ce que t'as une anecdote que tu pourrais peut-être nous raconter concernant des contextes particuliers, drôles, qui sont arrivés en spectacle? Oui, ben il y avait une fois, j'étais en cinquième année du primaire, puis... Ça remonte à loin, ça, quand même. Oui, ben, si on veut. C'était avec Charles Lafortune, j'avais fait pour les chanteurs, un spectacle. Puis, dans le fond, il m'avait dit, en joke, il avait dit, pas pour le 12 ou 13e album, mais il a dit, tu chantes très bien. Puis après ça, ce qui m'avait fait rire, c'est qu'il a dit, oh, tu viendras en haut, là, je vais te faire signer un petit quelque chose de pas grand-chose. Puis on était juste parti à rire là-dessus. Là. Fait que t'as des contacts avec Charles Lafortune, c'est ce qu'on comprend bien? Oui, mais de très, très, très longtemps, qu'on pourrait dire. S'il pouvait la reconnaître, tout ça, ouais, pour l'amener loin. Là. voilà pour les questions. Je pense que ce qui serait le mieux, ce serait de t'écouter chanter. Oui. Et tu vas nous faire une chanson. Est-ce que tu veux nous... Oui, totalement, je peux la présenter. Oui. Puis on va t'aider à gérer ton stress. On va te dire des commentaires après. OK. Ça va être bon? On dit rien oui. avant. On dira rien avant. Dans le fond, je vous présente Amy Topolovec qui va vous chanter la chanson « Welcome to Burlesque ». On t'écoute. Show a little more, show a little less, add a little smoke, welcome to burlesque. Everything you dream of, but never can possess, nothing's what it seems, welcome to burlesque. Oh, everyone is buying, put your money in my hand. If you got a little extra, well, give it to the band. You may not be guilty, but you're ready to confess. Tell me what you need. Welcome to burlesque. You can dream of cocoa, do it at your ease. The triplets grant you mercy, but not your every wish. Jesse keeps you guessing, so cool and statuesque. Behave yourself, says Georgia. Welcome to burlesque. C'était très bon, bravo. Merci. As-tu du talent pareil? Elle à revendre. Vraiment, bien, tout petite. Je sais que vous ne pouvez pas la voir, là, mais vraiment tout petite, tout petite. Puis la voix qui sort de ça, c'est impressionnant. Oui. Autant en jazz. Moi, je l'ai entendu en opéra aussi. Là, j'avais des frissons. Fait que, On a manqué ça. Oui. Pour l'instant, pour on l'instant. Va pouvoir l'avoir en spectacle. On en parlera à la toute fin, tout à l'heure. Oui. Donc, Amy Topolovec. Voilà. Oui, exactement. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça a bien été pour gérer ton stress? C'est bien le commentaire. Oui. Parfait. Donc, on va passer à nos prochains invités. C'est un groupe qui provient de la région de Mackinac. Donc, ça couvre Saint-Tite, Hérouville, Lac-aux-Sables, tous les territoires dans ce bout-là. Mm-hmm. C'est composé de Jérôme Doucet, qui n'est pas ici en studio malheureusement, Kimberly Bédard et Jerco Tremblay. Et Jerco étudie en musique au Cégep de Trois-Rivières. Donc oui, on a des jeunes du secondaire, mais on a aussi un petit peu du Cégep. On va en recruter un peu. Il n'y a pas de limite d'âge dans... oui, il y a une limite d'âge parce que c'est jeune. Ouais, mais ben, tu sais, mettons, toi, tu seras un peu trop vieux. Mais, merci, hein, dans le loin. Ça fait plaisir, okay. Mais tu sais, je veux dire... mais c'est vrai, ça. Bon, non, c'est ça. En fait, on a recruté dans les écoles secondaires, mais s'il y en a qui voulaient embarquer dans le projet qui est au Cégep, on les a pris, puis il n'y avait aucun problème. Okay. Fait qu'en fait, c'est Kimberly qui nous a approchés pour faire partie du projet. Puis vu qu'elle avait un groupe, ben on a pris son groupe. Donc aujourd'hui, on a en studio le groupe Other Side. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Oui, ouais, toi aussi. Oui. Donc, ben tiens, on va leur poser des questions, tiens, oui. C'est ça, c'est à ça que je sais. Oui. Quel type de musique est-ce que vous jouez et comment décrivez-vous votre style musical? Moi, je décris notre style musical, musique pop, en fait. On fait beaucoup de musique populaire, des tunes connues de tout le monde pour les festivals. On est là pour faire des festivals. Comme qui, et, mettons? Comme ben, mettons des groupes, mettons comme K1, on mm-hmm. fait Embarque ma belle de K1. Famille Béré, des tunes connues, Un vieux dans le bas du fleuve. Cool. Ouais. Qu'est-ce qui vous passionne le plus en tant qu'un musicien? Ben moi, qu'est-ce qui me passionne, c'est composer, mais chanter, là, j'adore ça. C'est mon sang, c'est ma vie. Je pourrais pas vivre sans ça. Est-ce que tu écris en français ou en anglais? J'aime mieux écrire en français. Okay. J'ai toujours aimé mieux chanter en français aussi parce que l'anglais, j'ai de la difficulté avec la prononciation. Okay. Mais ouais, j'écris en français. Mais c'est tellement une belle langue, le français. Ouais. Pourquoi pas écrire nos propres chansons puis faire fureur avec ça? Ouais. Exact. Et toi, est-ce que tu écris ou tu composes? Moi, je compose la guitare, le piano, plusieurs instruments. J'essaie de faire des arrangements le plus possible. Puis je compose en anglais comme en français, les deux autant que possible. Quand j'ai une inspiration, mais j'écris en français, puis je trouve que ça sonne pas bien, je traduis en anglais. Ah. Hop, ça sonne mieux. Ah, et finalement, ça rime seul. Et tu joues de la guitare, en tout cas, c'est ce que je vois devant moi. Je joue de la guitare aujourd'hui, je joue de la guitare. En fait, je joue aussi du piano, je joue de la flûte à bec. Là. Ça fait longtemps que je joue de la musique depuis l'âge de 6 ans environ. OK. Ouais. OK. Et toi? Moi, depuis toujours, je suis née là-dedans. Littéralement en train de chanter en sortant comme... Ouais, ben j'ai été élevée là-dedans. Mes parents sont dans musique. Ma mère, c'est grâce à elle que je suis dans musique le plus. Là. Elle m'a appris tout ce que je connais. Tant mieux. Est-ce que ça fait longtemps que le groupe existe? Je dirais quelques mois. En fait, moi puis le deuxième guitariste, Jérôme Doucet, on jouait de la musique ensemble, puis on cherchait une chanteuse. On était comme pas sûr. Puis on a commencé, on dit, on s'appelle Other Side, on a juste deux guitaristes. Let's go, ça commence bien. Fait que là, on composait, mais tu sais, pas de paroles. C'était un peu ordinaire. Puis on en a un show à l'école, mais on la rencontre, puis on la voit driver, puis on se dit, c'est elle qu'on veut. Il nous la faut. On arrive pour un show, on n'a pas de chanteuse pendant tout. Trois jours avant le show, on s'en va voir, on dit, peux-tu chanter pour nous autres? Elle dit, bon, mais checker ça. Le lendemain, OK, elle dit, combien tu payes? Je connaissais pas la On a juste deux jours de pratique pour la faire. Mm-hmm. Okay. Comment se fait votre processus de création? Là? Vous dites que toi, t'écris, tu composes, est-ce que vous travaillez ensemble? Ben, en fait, c'est différent. Des fois, on est assis dans notre local de musique, on a un local, okay. Puis Jirko ou Jérôme peut commencer à jouer de la guide, puis on a une inspiration soudaine de paroles. Il n'y a pas juste moi qui trouve des paroles. Puis, tu sais, je joue un peu de guitare, un peu de piano, ça peut arriver que des fois, j'arrive avec quelque chose, puis... Ouais, fait comme ça, là, on se met tout ensemble, toutes les petites idées comme ensemble, puis des suites d'accords qu'on fait. Puis là, moi, j'ai quand même beaucoup de connaissances avec mes études au cégep. Fait que des fois, il y a une petite affaire qui accroche, un petit accord qui est mal joué, mais juste ça à la place, Jérôme, ça va aller mieux. Juste ça, puis let's go, on drive d'autres choses, puis c'est le fun. Là. Est-ce que Jérôme puis Jericho, vous vous appelez Jerry tous les deux? Parce que comme Jerry, quel Jerry? Ça? On s'appelle Dieu puis Dieu. Okay. Rico! Ouais, Rico. Est-ce que vous avez des albums? Et si oui, en quoi? Est-ce qu'ils... Ah, ben, ça doit vouloir dire que vous en avez plusieurs. Hein? Si, comment ils se différencient? Non, en fait, on n'a pas encore d'album. Non, okay. On a beaucoup de compositions, là. On compose de plus en plus. On aime ça, composer. On aime plus composer, de faire des tunes connues, là, je dirais. Là, elle aussi, là. Puis... Mais c'est un futur projet. Là. Okay. Si on aimerait bien ça, se trouver une place pas trop chère pour enregistrer nos compos, puis faire un CD, puis pouvoir le publier enfin. Ouais. On vous souhaite, il y en a beaucoup en région des compos. Quand même. Je tiens à mentionner que c'est Jean-Philippe qui écrit la question. Donc, c'est parce que je l'ai compris par après. C'est en quoi ce différent style, j'imagine, des autres. Mais non, je pense. Laisse faire. Parfait. Je prendrai pas le crédible des questions, c'est pas grave. Donc, c'est ça, c'est à peu près ça pour les. Non, une anecdote. Une anecdote, oui. Une anecdote, c'est le bout le plus intéressant. Oui. Moi, je dirais. La première fois, j'ai demandé de chanter pour moi. Là, en fait, c'était un show à Noël à l'école. Okay, On parle ici de l'école secondaire Paul Lejeune. Ouais, c'est ça. Ouais. Les gens. En fait, c'était un show de musique à l'école, un genre de rigodon. C'est deux, trois accords que j'avais à jouer. Puis il manquait un guitariste. Fait que le professeur de musique vient me voir et dit « Peux-tu jouer ça? » Je commence à faire ça. OK, je vais à jouer. Fait que le lendemain, j'arrive là, je m'en vais à jouer. J'avoue chanter, je fais comme tabarouette, tu chantes même main. J'ai pas parlé encore, puis je veux qu'elle chante. Okay, ouais. Fait que quand on a eu besoin d'une chanteuse, après, je savais qu'elle allait voir, elle disait qu'on va voir Jérôme. C'est comme qu'il a dit tantôt, trois jours à l'avance, mais on compte que le trois jours, c'est deux jours de pratique. Puis je connaissais pas la chanson, pas les paroles, puis elle était beaucoup trop basse pour moi. Mm-hmm. Puis le pire, c'est que je l'ai faite. Wow. Ça donne un bon résultat. J'ai vu une vidéo sur Internet. Ah non. Les gens qui ont remarqué. On va aller partager Facebook. Ça. Est-ce que tu partageais son anecdote ou est-ce que tu en voulais une, toi? En fait, il y en a un autre. C'est que notre local de musique se trouve être dans une laiterie. OK. Fait que c'est ça qui est le plus drôle là-dedans, tu sais. Tant qu'à moi, n'importe où, quand on fait la musique, on est bon. Ouais. Un petit featuring de vache dans une chanson. Ouais. On est sur le banc d'enfer. Oui. Donc voilà, c'est tout pour les questions. Je pense qu'on devrait vous écouter, vous autres aussi. C'est bon? Oui, c'est ça. Dans le fond, ils vont nous interpréter une de leurs compositions. Ça s'appelle À chaque fois. Donc, je vais laisser mon micro à Jericho afin que vous puissiez entendre la guitare, dans le fond. Donc, merci. De rien, ça fait plaisir. On a donc, plus le micro. Donc, c'est le groupe Other Side qui va vous interpréter À chaque fois. C'est bon. T'es prêt? Ouais. Ouais? Pas trop stressé? Moyen, mais okay. Ça peut aller. 3, 4. À chaque fois que ça va bien, toute ma vie bascule. Je ne comprends plus rien et j'ai peur du recul. Ah, ah, ah, oublier, vivre, commencer, recommencer. N'est-ce que des mots ne servant ne servent à rien. Regardez mon passé sans avancer. N'est-ce qu'une habitude au quotidien? Je fais un pas vers l'avant, je fais face au néant. Alors à quoi bon continuer si mes pensées ne sont plus sensées? Ah, ah, ah, ah, oublier, vivre, commencer, recommencer. N'est-ce que des mots ne servant à rien, qui ne servent à rien? Regardez mon passé sans avancer. N'est-ce qu'une habitude au quotidien? Rabaissez-moi si ça vous enchante. Ne vous gênez pas, ne vous gênez pas. Mais laissez-moi respirer, me dire que tout va bien, même si rien ne va plus. Non, rien ne va plus. Laissez-moi tranquille, laissez-moi me ressaisir, me ressaisir. Je ne comprends pas qui est-ce que je suis, ni pourquoi je vis. Je me pose des questions sans trouver les réponses. Vivre, commencer, commencer. N'est-ce que des mots ne servant à rien, qui ne servent à rien? Regardez mon passé sans avancer. N'est-ce qu'une habitude au quotidien? Regardez mon passé sans avancer. N'est-ce qu'une habitude au quotidien? Excellent! Encore une autre belle découverte. Ben oui, je te l'ai applaudi parce que les autres ont des instruments dans les mains. Ah bon? C'est ça. Donc oui, encore une autre belle découverte de ta part ou de la part de toute une équipe qui trouve ces beaux talents-là, toi? Ben, en fait, je suis tout seul pour le moment. Okay. J'ai pas d'adjoint ou j'ai encore pas plus admirable, donc. Oui, ben c'est ça. Moi, je me suis promenée dans les écoles secondaires. Je suis allée voir les finales locales, régionales. Puis je suis allée au Rendez-vous Pan québécois à Québec. Puis j'ai découvert ces talents-là. Puis j'ai demandé aussi l'aide de mes collègues intervenants socio-culturels dans les écoles secondaires. Parce que veux, pas, je connais pas tous les jeunes. Et j'ai pas le temps de tous les rencontrer. Mais ben là, force-toi. J'essaye, là, mais 13 000 jeunes en Mauricie. Mais, mais c'est ça, dans le fond. C'est ça, on a fait une période d'inscription où ils se sont inscrits, j'ai rencontré tous les jeunes, puis j'essaie de les plugger dans les événements que c'est les mieux pour eux, dans le fond. Ben c'est ça. En posant cette question-là, je t'ai amené sur un autre chemin, mais avant ça, on devrait mentionner qu'on vient d'entendre The Other Side. Oui, totalement, c'était le groupe Other Side, puis en studio, on a Kimberly Bédard et Jéricho Tremblay, voilà. Et on salue Jérôme. Oui, l'autre Jerry. Jérôme. Ouais. Donc, c'est ça, tu parlais que tu fais du recrutement, donc si les gens veulent être recrutés, qu'ils veulent comme provoquer un peu une situation de peut-être un jour venir voir en studio, ça? Totalement, mais il y a plusieurs façons. Premièrement, ils peuvent nous rejoindre sur Facebook. Oui. On a un groupe qui s'appelle L'État de la jeune relève. Par la suite, dans les écoles secondaires, moi, je vais faire une tournée à l'automne. Donc, je vais visiter les 15 écoles. Donc, vous viendrez me dire un coucou sur l'heure du midi. Mm-hmm. Puis, pour ceux qui sont au cégep, qui aimeraient ça s'inscrire, bien, la meilleure façon, c'est de m'écrire sur Facebook pour que je communique avec vous par la suite. Parce que notre site web est en construction. Ça il va être là à l'automne, mais pas tout de suite. D'accord. Et sinon, il y a un spectacle qui s'en vient aussi. Deux spectacles, en fait. C'est ça, on exactement. Un à Saint-Narcisse la semaine prochaine, le 14 août. C'est à l'Agora des Jardins, de 20h à 22h. Il va y avoir le groupe Other Side, puis il va y avoir un autre groupe aussi, qui font partie de la jeune relève. Puis, on a cette idée de Caxton qui s'appelle la dérape culturelle. On a 20 jeunes en performance. Le groupe Other Side sera là. Amy sera là. Puis, c'est ça, on a toute l'après-midi de bouquet. Donc, ça va être de 13h à 16h30 le 31 août, pendant le week-end de la fête du travail, à Saint-Édith-Caxton. Viendrez visiter. Peut-être que Fred Pellerin va être là. Sinon, il y a toujours la traverse de Lutin qui est là. Okay. Ça l'existe encore. Okay. Donc, voilà, c'est nos deux derniers spectacles qui nous restent pour l'été. Ouais. Puis, on va avoir d'autres spectacles en automne. À annoncer prochainement. Donc, c'est ça. Sinon, j'invite les gens à aimer notre page Facebook. Vous allez avoir vraiment toutes les informations nécessaires. Vous allez pouvoir avoir des photos aussi exclusives, des entrevues, dont l'entrevue qu'on va faire aujourd'hui. Celle qui a des très bonnes réponses, même si les questions sont... Non, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est une blague, très bonne question. Totalement, donc c'est ça. Je vous invite à aimer notre page Facebook, puis comme ça, vous allez avoir tous les détails. Isabelle Bédard, des talents de la jeune relève, merci beaucoup. Ben merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir accueillis en studio. Puis merci à Jean-Philippe, je sais que t'es pas là, mais c'est lui notre contact. Fait que merci, Jean-Philippe, de nous permettre de venir ici en studio. Voilà. Et on remercie Amy, merci beaucoup. Merci. Oui. Merci à Kimberly, Kimmy. Merci. Merci à Jericho, Rico. Merci beaucoup. Isabelle, Easy, c'est correct? Easy, ouais. Easy. Donc voilà, merci et à la prochaine fois, bien sûr, toi. Oui, bien sûr. On va revenir, promis. Merveilleux. Nous, on va terminer l'heure ici. Dans quelques minutes, on aura notre troisième heure avec Justine Renaud et sa chronique Justine Procrastine. Stéphanie va être de retour. Je vais être là, puis JP va continuer de ne pas être là. Merci. Vous êtes toujours à Sondage Hockey pour la semaine du 5 août 2013. Elle est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. On est toujours en manque de Jean-Philippe Charbonneau. Manque de poils. Manque de poils, malheureusement. Oh, ben... Oh, mon Dieu! Il y a plein de... Oui. Le poêle est arrivé comme une boule dans un western. Ça roule un peu partout, là. Ben, je voulais pas te traiter de boule de western en passant. Quoi qu'une boule western, ça me fait penser à une boule avec... c'est quoi, une poutine western? C'est des petits pois, puis... Une poutine western? Poutine western, hein? Morceau de cheval? Morceau de quoi? Du cheval? Du cheval, non? du cuir? Oui, sûrement. Ça servi dans un bol en cuir. Ça servi dans une botte de cowboy, je pense. Oh, yeah! Avec une petite roulette en arrière, ouais. Donc, JP, Jean-Philippe Charbonneau, notre co-animateur fidèle, qui, depuis quelques heures, en fait, n'est pas avec nous. Non, je suinte. Que faisais-tu sans nous? Je suinte. Ben, viens suinter avec nous autres. Oui, c'est ça. Non, j'étais sur le site du Grand Prix. En train d'installer www.gp3. Non, c'est pas... Ouais, c'est ça, sur le site web. Non? Ou sinon, aller sur le site de C'est Fou, il y a un lien. Voilà, ouais, oui, exactement. Ouais, oui, c'est ça. Non, c'est ça, pour installer le toute la patente. Là, la patente en fin de semaine. On va diffuser en direct du Grand Prix de Trois-Rivières en fin de semaine. Donc, à partir de demain. Vendredi, dimanche. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, jeudi. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est ça. Parce que si tu nous écoutes pas aujourd'hui. Ben, aujourd'hui pourrait être samedi, parce qu'on va repasser samedi. Exactement. Ouais, mais pas, non, ouais, c'est ça. Mais pas dimanche. Exact. Donc, c'est ça, on va diffuser. Comment ça va se dérouler ces journées-là? Comment ça se passe? Écoute, là, tu me prends sur le dépourvu, mais. C'est l'organisateur. Oui. Ben, écoute, j'ai pris quelques photos, justement, que je vais mettre sa page Facebook. Okay, peut-être ouais. On verra, là, ouais. À droite, à gauche. On est au troisième étage et directement à l'arrivée ou au départ, hein, parce que ça tourne en rond. Ouais. C'est ça le principe. donc, c'est ça, on est là. On va diffuser en direct. On partage nos ondes. On cohabite, en fait. On cohabite, oui, tout à fait. C'est le mot est juste. Avec des spécialistes, hein, parce que nous, on n'est pas vraiment... C'est pas nous autres, ça. Non, c'est ça. T'sais, moi, je sais qu'il y a deux roues. Oui, il y a des chars, il avance. En avant, puis deux roues en arrière. Okay, ça va. Puis le but, c'est de gagner. C'est d'arriver le premier. Oui, ouais, c'est ça. Le meilleur temps gagne. Le but, c'est pas de participer. Tu fais encore comme ça, toi. Tu sais qu'il y a une affaire de rideau aussi. Une affaire de rideau. À l'arrivée, je pense qu'il y a un petit rideau. Là, qui Oui, mais il est vraiment petit. Petit carré. Il est carré, oui. C'est okay, ça, exact. Ouais. Ouais. C'est un drapeau, je pense qu'on appelle. Drapeau à damier. Mais c'est qu'après ça, ils peuvent jouer aux échecs dessus. Oui. C'est pas un rideau. Donc, ben oui, c'est ça. Donc, on va diffuser en direct tout le week-end de là. Donc, quand il y a des courses, bon, c'est les analystes qui vont être présents. Lors des blocs plus tranquilles, ben, on va assurer la musique de C'est Fou. On va se renvoyer la balle. Oui, exact. Mais on va aimer ça. Puis tout est bien, là. Tout est bien agencé. On est bien installé. Ça tout va est être bien, génial. C'est bien. Voilà. C'est ça. Mais qui va animer ces portions C'est Fou-là, mettons, des gens qu'on connaît, hein, je pense? Ah oui, ben, les fidèles de C'est Fou les reconnaîtront. On a. Je vais commencer par lui, puisque c'était mon animateur dans le temps avec Melon Miel et Chou de Bruxelles, pour ceux qui s'en souviennent. Feu, Melon Miel. Oui, donc Alexandre Laramezouki qui prendra part. Je me souviens plus de l'horaire exact, mais. Ils vont être là, en fait, ça va. Et syntoniser C'est Fou, puis vous le saurez. Donc, Alexandre Laramezouki qui va assurer l'animation avec Maxime Tanguay, qu'on connaît très bien par l'impro, puis ses émissions ici. Ancien animateur des Palmarès. Ah, quand même. Moi aussi. Antoine Lacasse, mm-hmm. qu'on connaît de la Parté. Mercredi soir. Oui, mm-hmm. et Philippe Grenier, à Parté également, et M. Tanui, oui. Pour ceux qui suivent la programmation complète. Et donc, tout ça va commencer par une programmation à 7h le matin. Oui, rectification. OK, j'avais pourtant bien retenu mon affaire. Oui, écoute, c'était supposé d'être 7h. Okay. On va diffuser un tout petit peu plus tard, soit 9h le vendredi. Puis après ça, ça va être 7h le samedi et le dimanche. OK. Ouais. Donc, on prend grosse matinée vendredi matin, on va pouvoir se lever à 7h. Yes. Et donc ça se termine en fin de journée, quand les courses se terminent, il y a une petite analyse, j'imagine, de fin de course. Oui, tout à fait. Puis après ça, vous allez le samedi, par ailleurs, ça me fait penser, vous allez pouvoir rentendre les palmarès. Donc, notre programmation est chamboulée, ouais. Mais on va essayer de repasser là, ce qui aurait passé durant la journée un peu plus tard le soir. Donc, on va vous mettre ça sur Facebook, évidemment, l'horaire exact, là, mais les émissions du samedi vont pas mal juste être repoussées. Exact. À partir de environ 18h, là, notre programmation régulière là, va recommencer, ainsi que le dimanche. Puis, pour revenir à la normale, lundi. Exactement. Toutes les émissions sont là. Dans le fond, on n'enlève pas grand-chose. Hein. Si ceux qui pensent rater un paquet d'émissions, là, vous ne raterez pas grand-chose. C'était pas mal. Mais on va bouleverser vos habitudes, parce que ça ne sera pas l'horaire de d'habitude. Voilà. Voilà. Merci Jean-Philippe. Mais merci à toi. Je pense qu'on devrait profiter de l'occasion de ta présence, à moins que tu me corriges ici, pour faire tirer des billets. Oh, OK. Je tords le bras en ce moment, ça paraît pas. Ouais. En fait, je me sers du bras de Stéphanie pour lui tordre le bras. Oui, c'est ça, elle se rend compte que j'ai la peau moite. Oui, mais poilue. Oui. Ça absorbe. Ça absorbe le poil. Donc, ben oui, c'est ça, une paire de billets, en fait, qui est valide pour la fin de semaine, donc vendredi, samedi, dimanche, pour le Grand Prix. On prend quoi, le 48e appel? 48e appel, rien de bon. Donc, troisième. Troisième appel. Pour les gens qui nous écoutent le jeudi, bien sûr. Oui, tout à fait, en direct. Donc, jeudi, on est combien? Le 8? On est le 8, il est 16h11. On est le combien? Donc, que je fasse l'addition et que je sorte mon application iPhone. La règle de 3. Hein. Voilà. Donc, 8, le 8 août, c'est le 8 du 8, il est 16h11. Pour ceux qui écoutent et que cette heure-là fit Oui, c'est donc c'est vrai. Oui, c'est ça. Et je vais vous donner le numéro 819-376-5183. 376-5183. Troisième appel pour une paire de billets valides pour la fin de semaine du Grand Prix. Très plat de faire tirer une paire de billets pas valides. Oui, c'est ça. Non, mais dans le sens, je voulais dire qu'il y a une virgule valide la fin de semaine c'est au complet. Pas, genre, okay, okay. C'est pas une attrape, genre, on fait tirer une paire de billets, mais c'est juste pour dimanche entre midi et 15h. C'est genre ça, là. C'est pas ça. Puis c'est dans la catégorie admission générale. C'est ça. Donc, juste pour vous dire, on pas de loge coopérative. Non. Fait que c'est la catégorie free for all, c'est ça? C'est ça, chacun pour soi. Si vous voulez nous voir dans le studio, pense pas que ça marche non plus. Ben, vous pouvez nous faire des coucous, nous appeler, okay. Puis on va faire des coucous, puis peut-être qu'on se verra pas. Merveilleux. On verra. Donc, 819-376-5183 pour les auditeurs du jeudi, pour une paire de billets pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Pour l'instant, on écoute la prochaine position, c'est la 8e du côté francophone. Et c'est Ta décadence de Navers, et ça a monté de 12 places. Hey, ils vont sur Navers, plaisir, en fait, semaine. Félicite Mylène pour la paire de billets ou comme JP l'a dit, les billets du père de l'autre. Là. Oui, c'est ça, de l'autre qui a vu l'ours. C'est ça. Mm. Donc, félicitations pour les billets du Grand Prix. C'est une paire, donc ça va être elle et son père peut-être. Oui, ou pas. Ou pas. Elle a le choix. Elle a le choix. Elle peut même les donner peut-être à des amis. Mettons, à ses compères. Ou à son père personnel. Ah oui! Oui, elle va plus se torcher avec comme un papier de toilette personnel. Merci JP d'être passé. C'est une très mauvaise blague de très mauvais goût. Ouais. Très, très mauvais. On va dérouler le papier de toilette pour gagner. Essuyer ta. Oui, essuyer mon erreur. On va enlever ça du montage. On te laisse partir pour retourner au Grand Prix. On rappelle que c'est en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Oui, on va animer en direct de là-bas, mais avec la bonne musique de C'est fou. Mais avec la bonne musique. Mais. Ben oui, c'est ça. Voilà. C'est pas parce qu'on est là-bas qu'on pile sur notre orgueil, hein? Ben non. Jamais. Jamais du tout. Accueillons notre amie Justine Renaud. Hey! Parce que c'est Justine Procrastine. this talk, all this ticking, all this shit talk, kicking in my head, I'm staying in bed today. And it doesn't matter what the app say to me, or do not care just what the app say to me. Bum bum bum bum bum bum da da bum bum bum bum. Eh bien oui, c'est moi. J'étais pas là la semaine dernière. Non. Je peux vous dire pourquoi, parce que je procrastinais. Ben voyons donc, c'est pas ton habitude ça? Non, c'est jamais mon habitude, mais je peux vous dire pourquoi. Et là, j'avais vraiment une bonne raison de pas être là. Pour une fois? Pour une fois. Ben non, hey, c'est tout des bonnes excuses. Et malade, sa blonde, ça fait couper les yeux, c'est quoi? C'est quoi? Ouais, ben, changer les yeux, je pense. Trancher. Comme des radis. Ouais. Exactement, oui. Mais c'est ça, la semaine dernière, je procrastinais en me procurant une voiture. Ouh! Pour changer ma Tercel 96 4 vitesses, pas de porte-gobelet. T'es rendu avec quoi, là? Ben là, ben une avec un porte-gobelet, là. Peu importe. J'étais en attente. Ben, en fait, en ce moment, je suis en attente d'un véhicule qui, lui, est en production au Japan. Oh, wow. Oh. Oui, oui. Donc, il y a un monsieur Toyota quelque part qui est en train de construire mon auto, personnellement, pour moi, parce que je me suis procuré une Prius C bleue, métallisée, technologique, groupe premium. En tout cas, c'est genre, c'est rare au bout, fait qu'il faut qu'il me construise. Wow! C'est cool pour toi, ça? C'est une voiture électrique et tout, non? Hybride. Hybride, en plus? Oui, avec une batterie et des affaires dedans. Là. Wow! Puis oui, il y a un porte-gobelet, je te jure, quand j'ai essayé l'automobile avec le vendeur, ben un des vendeurs, puis j'ai eu deux vendeurs, mais il y en a un qui conduisait avec moi, puis l'autre qui voulait pas conduire avec moi. Non, c'est pas vrai, il était parti sur son heure de souper, ça aurait pu, là, tu sais, il me regarde dans tes blondes, toi, là, tu sais, il y en a pas question. Est-ce que je te fournis un verre pour essayer le porte-gobelet? Mais non, mais je te jure, j'ai vraiment dit, il y a un porte-gobelet! Mais parce que moi, j'ai pas ça dans ma Tercel, je vous le jure. Je n'ai pas de porte-gobelet, j'ai juste 4 vitesses, puis il y a juste 3 litres qui rentrent quand je fais un changement d'huile. C'est n'importe quoi. C'est juste du trouble, finalement. C'est ça, c'est pour ça que je m'achète une Prius C. Wow. On la salue. On la salue, Prius C. Salut, Prius C. On l'a par téléphone du Japon. Je suis un char. Ah, voilà. Et là, pendant ce temps-là, je me procurais mon auto, j'ai essayé le système de son, puis je me suis dit, ça là, c'est vraiment des bons speakers pour écouter du bon son. Aïe, aïe. Ah, là, là, là, là. Donc, c'est le groupe que je vais vous parler de aujourd'hui, dont je vais vous parler. Hein, dont je vais vous parler de. Que je vais vous parler de. Je suis un char. Suns, qui est en fait un groupe montréalais, donc vous en avez peut-être entendu parler, surtout dans le temps des festivals. Des fois, Suns a fait des apparitions dans les festivals alentour du Québec depuis les 5 dernières années. Et le groupe a vu le jour en 2006. À la base, le groupe s'est formé à partir du duo Ben Chemi, qui est guitariste et chanteur, et de Joe Yarmush, qui est guitariste et bassiste. Et ces deux-là étaient des connaissances du monde de la musique. Les deux faisaient beaucoup de jam underground. Tu sais, à Montréal, il y a bien ça, des gens qui jam des underground. Usines de confiture, on appelle. Des usines de confiture souterraines. Ah, donc, se sont ajoutés le percussionniste Liam O'Neill et le bassiste et claviériste Max Henry. Hey, Max Henry, là, c'est un nom de... De bar de chocolat. C'est un nom de bar de chocolat, c'est pas un nom de musicien. Bref. Maximum Henry. Now with more peanuts. Now with more nuts. Je sais pas, c'est comme. Ça vient with a hot nut. Ah bon. Hot nuts. Les quatre gars provenaient du domaine de la musique, hein. Comme je vous ai dit, sur la scène underground de Montréal. Mais il y en a gros dans la gang. Je pense qu'il y en a trois d'entre eux qui provenaient de l'école de musique. Donc, quand même, là, des musiciens vraiment hors pair. Et on l'entend dans leurs albums, là, c'est quelque chose d'extrêmement bien rodé. Aucune figure paternelle là-dedans, sont toutes hors pair. Oui, c'est ça, il n'y en a aucun qui veulent devenir des papas. Célibataire endurci. Exactement. Hein? À la fusion des quatre musiciens, c'est fait de manière très naturelle avec Ben Chemi qui a naturellement pris le lead. Et à ce jour, il est toujours le compositeur principal, mais celui-ci concède que les trois autres gars affinent et individualisent leur partition, ce qui fait en sorte que le produit final sonne comme du Suns. Oh! Et comme de fait, on a aimé le son de Suns parce que la musique de disque Secretly Canadian les a accueillis en 2010 pour la sortie de leur album Zeros QC ou Zeros Québec. Moi, j'ai plus l'impression que c'est Zeros Québec. Ça se peut bien, oui. Ça se peut, hein? L'album a d'autre part été enregistré au studio de Jace Lasek de The Besnard Lakes. Et ce studio s'intitule le Break Glass Studio où se sont enregistrés des groupes tels que les Breastfeeders, Islands, Patrick Watson, Stars et Purity Ring, entre autres. Donc, des grands de ce monde. Zeros Québec a été très bien reçu par la critique et le band a pu tourner en Amérique du Nord avec Parlover, Land of Talk et The Besnard Lakes, bien entendu. En 2011, fort de ses premières années remplies de succès, Sons sort un deuxième album au titre de Bambi, Black and White, Red Song, tout ça avec des espèces de des guillemets et des affaires de même. C'est un peu compliqué comme nom d'album, à mon avis. Ah, mon ordinateur est en train de mourir. Oh, no. Puis en 2013, paraît l'album Images du futur, celui que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, cet album était listé pour le prix de musique Polaris, mais l'album n'a malheureusement pas été retenu sur la liste des finalistes. Mais il y a quand même d'autres bons bands, comme Tegan and Sarah, Metric, etc. etc. qui paraissent sur cette liste. Petit fait intéressant, au départ, le groupe se nommait Zeros. Plate. Comme Zeros Québec, là, comme ouais. leur premier album. Cependant, d'autres groupes portaient déjà ce nom, on n'en doute pas. Hein. Un band en particulier semblait vouloir leur donner du fil à retordre côté légal, donc ils ont dû changer de nom pour avoir la paix dans le coin de 2010 à 2011. Fait qu'au début, là, quand ils se sont embarqués avec Secretly Canadian, ils ont dû changer de nom parce que la compagnie de disques était comme, il n'est pas question qu'on paye des frais d'avocat à cause que vous vous appelez Zeros. Donc aujourd'hui, ils s'appellent Sons, et Sons voudrait dire en Thaïlande Zeros. OK, oh, ouais. Sérieux, en thaïlandais, Suns, ou bien plus comme Suns. Moi, ouais, parce qu'il y a deux U, là. Suns? Oui, il y a deux U dans Suns, pardon. Et oui, il aurait fallu que je le dise, hein, parce que là, vous voyez le mot dans votre tête en ce moment. Puis avant, vous voyez le mot comme soleil. Mais là, c'est S-U-U-N. Là, tout le monde est perturbé, là. Suns? Suns? Ça vient avec un radis japonais. Avec un radis japonais. Ah non, c'est vrai, en Thaïlande, il n'y a pas de radis japonais. Bref, qu'est-ce peut-être par importation. Je sais pas, probablement. Ils doivent en importer. Ben, eux autres, ils n'ont pas le choix, c'est une île. Fait que s'ils n'en cultivent pas, il faut qu'ils l'importent. Ouais. Ben oui, mais même si t'es pas une île, faut que tu l'importes pareil. Ouais, mais est-ce que nous autres, on, tu sais, là, quand on dit, mettons, là, on a des bleuets du lac Saint-Jean, on a-tu importé des bleuets du lac Saint-Jean parce qu'on est dans la même province? Non, faut que ça vienne d'un autre pays, ouais. me semble. OK, c'est fait que vraiment, quand on parle de pays, on parle d'importer. Je pense que oui. T'as raison, c'est pas parce que... Non, mais tu sais, moi, dans ma tête, à moi, là, importer, il fallait vraiment que ça ait pris un chemin comme genre un avion. Outre-mer ou, style. Outre-mer ouais. style. Style. Hey, ça serait un bon nom d'album, ça. Outre-mer style. Style. Style, Outre-mer. Avec ces paroles très judicieuses, ça n'a aucun rapport. On va aller tout de suite écouter la première chanson de leur album, de leur dernier album qui est paru en 2013. Alors, on écoute ça. Et au retour, je vais vous dire c'est quoi le titre de cette chanson-là parce que je n'ai pas la pochette. Okay. Je vous jure, c'est un CD que j'ai acheté. C'est oui, le hein? CD existe encore. Hey, il va me le donner. Et Powers of Ten. C'est ça, je m'en souvenais. Ouais. C'est Powers of Ten, le nom de la chanson. Ben oui, donne-moi des mots qui sonnent. Justine procrastine. C'est fou. You can't lose when you can stand it. Gâche la chanson. Je mâche la chanson. Ah. Tu lâches la chanson. Tu fâches la chanson. Il faut pas que je la fâche. Y a-t-il d'autres mots que ça? Ah. Elle est bonne, cette chanson. Excellente, cette chanson-là. Et le nom de cette chanson-là, si la chanson va me laisser parler. Quelle belle fin. Je pense qu'elle coupe là, attention. Holocene City. C'est une excellente chanson de Sons. Juste avant ça, on entendait Powers of Ten et la chanson 2020 des deux premières chansons de l'album Images du futur du groupe Sons. Donc, quelque chose de très planant, mais qui personnellement me rappelle beaucoup Radiohead, peut-être même plus Tom York. Un petit côté peut-être un peu plus, pas rock, là, mais ils n'hésitent pas là, à utiliser leur guitare. Là. Et que moi, j'aime bien ça. Cool. Il y a certaines personnes qui peuvent trouver ça peut-être un peu répétitif, mais c'est justement le but d'être très, très ambiant et musique de fond là, excellente. Là. Si tu veux vraiment juste comme étudier, te mettre de la musique d'ambiance chez vous, faites ça. Suns, S-U-U-N-S. Yes. Ceux qui n'aiment pas ça, tous des mauviettes. Toute la gang. Toutes des vertettes. Toutes des bleuettes. Ah oui, des bleuettes. Ah, mais parce c'est bon, que mauve. Ça. Des framboises. Des violettes. Oh, des violettes. Mouah. Merci, Justine. Ça m'a fait plaisir. C'était une bonne chronique encore. D'accord. Justine procrastine. Toujours. Tu sais qu'il y a. Tu as eu mon ton de voix. Non. Non. Non. Ouais. Ah. Tu restes avec nous un peu? Oui, je reste avec vous juste parce que vous êtes sympathique et beau. Parce que si vous étiez pas beau, je resterais plus longtemps. Et que t'es superficiel. On dirait que je comprends pas sa logique, mais c'est correct. Ouais, ça marche pas même dans sa tête, mais c'est C'est sa nouvelle voiture hybride qui lui envoie de la fumée de son exhaust non existant. Est-ce que c'est un exhaust pareil? Je connais rien. Ça a un exhaust. Ben là, j'espère. On revient dans quelques minutes avec plein d'autres chroniques. On sait que Véronique Schiller s'en vient avec la lettre P, partie 1. Oh. Tantôt. P, part 1. P. Hey, sérieux, il va avoir deux parties à son P? Oui. La petite boule et la petite queue. La queue. Exactement. Oh. Tout ça et d'autres choses plus tard. Restez là. Rassemble un peu qui pour toi aujourd'hui. C'est fou avant tout le monde. 89.1 FM. Toujours assemblage requis à la plage avec Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante. Accompagné de Justine Renaud. À la guitare. Aux cuillères de cuisse. Au loin que pour ses tatoum. On n'a pas les bons bruits. Non, on n'a pas de bons bruiteurs. On va pas être engagé pour ça, je pense. En fait, on va être renvoyé pour ça. Mon CV, il marche pas partout là-dedans. Ton CV, tiens, les filles, je pense que c'est est venu le moment tant attendu. En fait, je pense qu'on l'a pas mentionné une seule fois depuis le début de l'émission, mais moi, j'avais bien hâte et je pense que vous deux allez avoir hâte une fois que ça va être commencé, mettons. Ça se tient pas, cette affaire-là. Faut voir que ça finisse. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Agitez fermement sans trop brasser. Étape 2. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Mauviette! Pas capable de monter un meuble. Mon Dieu. Donc, c'est les instructions d'assemblage où on vous propose des trucs et astuces pour mieux vivre votre vie, c'est-à-dire des solutions vraiment aux problèmes de tous les jours. Là. Enfin, ça fait quelques semaines là, que je ne sais plus comment vivre. Eh bien, m'a-t-il le montré. Aide-moi, Mathieu! Faisons semblant que c'est la Saint-Valentin ou n'importe quelle autre fête. Mettons la fête, un anniversaire de couple, des trucs comme ça. T'sais. The couple. Donc, si vous avez oublié d'acheter le cadeau pour la personne, soit dit en passant, qu'on veut susmentionner. Qu'on a susmentionné. Susmentionné. Ouais. Dis-lui que tu lui as déjà acheté son cadeau. Comme ça, elle va essayer de deviner. Ah, c'est-tu un bijou, des vêtements, nanana. Puis, tu vas pouvoir voir lequel qui l'excite le plus. Puis, t'as rien qu'à acheter ça. Hein? Mais faut que t'écoutes le ton aussi. Oui. Tu dis, Tu m'as acheté une cravate. Ah, une cravate. Ah, une montre, mettons, tu sais, il a l'air plus excité, tu sais. Bon, fait que tu peux savoir, mettons, que c'est ça que la personne veut. Bon, c'est bon, c'est cool. C'est correct comme conseil, ça. C'est bon, ça. Bon. Mais ça se peut que ça vire en. Ah, pas une bague en diamant pour nos fiançailles, puis ah, tout non. est comme. Tu peux t'en sortir encore. Faut juste que tu le demandes bien à l'avance. Façon facile de faire des grilled cheese maintenant. Et on nous montre une photo ici des plus pertinentes là, que vous ne verrez pas à la maison. Ça me donne mais faim. Mettez votre grille pain à deux tranches sur le côté. Ah, c'est pas dangereux, ça? Pas apparemment que non. Et faites cuire dedans une toast avec du fromage dessus dans la fente du bas. Et en haut, ben peut-être une autre tranche de fromage sur une autre tranche de pain. Comme ça, faire un grilled cheese avec du fromage sur le dessus aussi. Oh mon Dieu! Mais attends, faites attention que le fromage soit au centre de la tranche et qu'il dépasse pas. Parce qu'avec le fromage qui va fondre, ça va aller dans l'électrique et c'est pas bon. Mais oui, mais là, il faut vraiment avoir un grille-pain qui est vraiment carré. Hein? Parce que le mien, il est comme... Ben, il est pas rond, là, mais il a des formes, mettons. Il est comme un... Il est féminin. Comme une... Oui. Mais non, mais donc, c'est quoi ce que. Mais c'est comme si t'as un grille-pain comme à quatre tranches, ça devient un peu bizarre là, de le monter debout. Marche pas. Mais moi, j'aime mon grilled cheese effoiré. Ouais, moi aussi. Fait qu'il faut que je l'effoire à spatule. Fait que dans le grille-pain, ça marche pas. Mais dans ton assiette, tu vas pouvoir l'effoirer après. Peut-être ça non, va ça marche pas de même. Moi, mais moi, je beurre mes toasts. Hein? Ben, moi c'est aussi, hyper à l'extérieur. Important qu'il y ait beaucoup de beurre dans mon grilled cheese. Un petit cercle. Mais tu beurres à l'extérieur, c'est ça? Pour le faire griller dans la poêle. Mais beurre la tranche du bas sur le dessus, puis la tranche d'en haut sur le dessus aussi. Comme ça va être tout, fondre dedans. Mais moi, tu sais ce que je comprends pas? Pourquoi est-ce qu'on fait pas juste comme genre prendre ta sandwich, là? OK, tu mets ton fromage, tu mets tes deux tranches, puis tu la mets dans la grosse fente. Ben voilà. Là, tu le mets. Oui. Parce que... Mais là, que tu te penches. Mais ça, c'est un bon truc aussi. On a parlé il y a quelques semaines, c'était pour faire des club sandwich. Oui. C'est que tu mets les deux tranches dans la même fente, mais avec rien dedans. Et comme ça, ça cuit l'extérieur, mais le milieu reste mou. Puis quand tu mets tes affaires dedans, c'est bon. Oh. Oui, c'est vrai, je te jure, il faut que tu fasses ça. Ouais. Bon. Mais celle-là, t'es pas obligé d'en revirer. Hey, écoute, ça en fait un qu'on fait, puis on prend déjà 5 minutes. Ben, on aime ça. C'est un bon truc. Ben, un autre bon truc, tiens, de faire des glaces avec du Kool-Aid. Donc, de verser du Kool-Aid dans un rack à glace. Comme ça, quand tu mets, mettons, dans du Sprite, quelque chose comme ça, ça va prendre le goût de la glace avec le temps, plus ça va avancer, puis ça va être bon. Si tu veux pas être gêné quand t'achètes quelque chose, t'achètes quelque chose de vraiment gênant à la pharmacie, achète une carte de fête avec. Comme ça, ça va être une blague, genre... T'sais? Oh, pas pire ça. Ouais, mais là, ça commence à coûter cher. Une pièce et demie, deux pièces, une carte. C'était ta une histoire. Une carte, là, c'est minimum 3,25 si t'es à pharmacie. Là, une cheap. Pharmacie 3,25. Ouais. Vraiment cheap. Pour faire cuire du bacon parfaitement, mettez du papier d'aluminium dans le four avec le bacon dessus, si ça vous adonne. Préchauffez le four à 400 degrés et laissez-le pendant 12 minutes, mais en le virant après 6 minutes. Donc, dans du papier d'aluminium dans le four directement et ça va faire le bacon parfait. OK. Parce que moi, je l'ai fait au micro-ondes. Okay. Donc, ne pas faire avec le papier d'aluminium, c'est potentiellement ça? Pas. D'accord. Non, potentiellement, écoutez-nous pas. C'est pas notre faute. Pour convertir des Celsius en Fahrenheit, tu sais, justement, dans les 400 degrés Fahrenheit, là, ouais. qu'on vient juste de dire, doubler le chiffre en Celsius et ajouter 28. 28? Ouais. Non, oublie ça. C'est juste 28. Ouais, mais ajoute 30 puis en divise en deux. T'sais. Sauf que si tu veux revenir en arrière, de passer de Fahrenheit à Celsius, ça doit vouloir dire qu'on va diviser en deux. Non, non, faut que tu t'enlèves le 28 avant. On peut le faire après. Là. Moins 30 plus 2. Ah, faut que t'enlèves le 28. C'est le 28 qui est avant parce que c'est pas la moitié du 28. T'as là. Raison. Tu connais pas ton ordre des opérations. Je suis plus capable. Attention, calculatrice. Il y a une application pour ça. Ben, non, mais plus simple, regarde ton thermomètre. Ah, comment, rabat-joie. 400 moins 28, ça fait 372 divisé en 2, 186 degrés. Mais je vous jure que j'ai déjà fait l'erreur. Hein. À un moment donné, il fallait que je fasse des soufflés. C'était écrit genre à 200 degrés Celsius. Mais Colin de Bin, j'ai mis 200 Fahrenheit. Mais c'est vraiment pas assez fort. Non. Fait que genre, ça a fait de la bouillie pour la fête à ma mère. Oh, miam. C'était au chocolat. Ça dégoûtait bon. De la bouillie au chocolat. C'est au chocolat pareil. C'est ça. Bref, donc c'est la façon de convertir. Et sinon, allez sur Google, tapez 400 degrés Fahrenheit in Celsius, ça te le donne. Essayez d'appeler Fahrenheit, par exemple. C'est ça. Ah, c'est pas ah, parce ben que... Mais juste F. Ouais, F, c'est assez. Ce qui est dommage, c'est que notre ami Jean-Philippe Charbonneau est au Grand Prix Trois-Rivières, donc on n'a pas accès à la ligne téléphonique pour mettre en onde, mais j'avais quelque chose à faire entendre. Donc, à la place, je vais ouvrir mon téléphone personnel pour vous le faire entendre, OK? Je sais pas si je vais être capable de le faire, là, mais attention, je vais juste... si je fais... Est-ce qu'on faut le mettre le volume peut-être potentiellement? Potentiellement. Au max, attention. Bon, on l'entend quasiment pas fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un un téléphone qui pourrait mettre dans son Non. Bref, faut faire 1-1-2-1-6-3, 1-1-2-1-9-6, puis ça fait Happy Birthday là, ça tombe à plat parce que je peux pas le faire mon téléphone. Oh, ça va être le fun. Bon, on va l'essayer à la maison. C'est ça, c'est sur assemblagerequis.com 1-1-2-1-6-3, 1-1-2-1-9-6, 1-1-10-9-6-3-2. Mais il me semble que j'ai déjà fait ça. Mais j'étais petite. T'as pas dû le faire en nombre parce qu'on n'est pas capable. Ben non. Pour rendre votre étude plus facile, et là, c'est Véronique Mire qui va me féliciter, j'imagine, pour ce conseil. Elle qui faisait les chroniques de suggestions de comment étudier et gérer son stress l'année passée. Pour étudier et vous encourager à étudier, ouvrez votre livre et mettez un gommi à chaque 2-3 paragraphes. Comme ça, quand t'arrives là, au gommi, tu manges ton gommi. Ben oui, mais tu peux tricher. Non, mais justement, le but, c'est de pas tricher. Faut pas tricher. Moi, j'en mets à chaque virgule, puis ça marche tout aussi bien. Ah oui, je suis rendue grosse, mais c'est pas... Ils ont peut-être séché les gommis entre les pages. Là. Ah, miam, pareil. Oh, mais ça marche pas, par exemple, si t'en manges entre chaque page, mais que tu gardes le sac ouvert à côté de toi. Non. Faut que tu caches le sac. Cache du sac. Cache du sac. Tu peux aussi mettre des guimauves. Les petits M&M. Tiens, si votre cordon de téléphone cellulaire tombe tout le temps à côté de votre lit, OK? Je pense que ça veut dire cordon ombilical. Mais non! C'est comme tout le temps en bas de lit. Je l'ai plus, mon cordon ombilical. J'ai deux conseils. Le conseil du site où j'ai trouvé ça, le conseil de prendre une attache de pain, OK? Et de la coller sur la table et de passer le fil dans la petite encoche du sac à pain. Je trouve ça laid pis cheap. Ouais, c'est ça. T'as un peu cheap. Moi, je prendrais une pince à page, là, tu sais, une pince... Une paper pince. Paper, les noirs avec comme les formes en métal de pénis. C'est exactement ça. Tu les achètes tout le temps. Donc, je vous conseille, pogner le petit pénis, OK? Et ça, quand tu le pèses, ça sort de la pince, OK? Dans quoi je vais s'embarquer? OK, juste des... Une pince. Une pince noire. Noire. Une pince de bureau, là, on met du papier après ça, d'habitude. OK, tu la mets sur le coin du bureau, puis là, tu peux passer le fil Si tu squeezes le gland, c'est que tu peux enlever la broche de l'affaire. Fait que tu rentres ton fil, je te jure. Fait que tu rentres ton fil dedans, puis tu replugues après ta pince à papier, puis ça va tenir après. On se comprend-tu? Sac à papier. Et après ça, on met ça, la pince, après ton meuble. Une petite tablette pas trop épaisse et ça va tenir ton fil. Puis je vais essayer. Bon, on s'en est sorti, une affaire de pinçage de gland, franchement. Si vous avez besoin d'une poubelle dans votre voiture, souvent ce qu'on va faire, c'est attacher un sac à poubelle après le joystick. Comment on appelle ça? Le bras de vitesse. Le stick d'arcade, là, le bras de vitesse, on l'appelle. Ressemble. Utiliser un contenant, par exemple, qu'on utilise pour les céréales. Souvent, on va, tu sais, mettons Tupperware ou d'autres marques fabriquent un pot quand même assez gros et avec un couvercle, avec un petit bouchon rond. Ouais, pour mettre petit, les pâtes. Les pâtes et les céréales. Utilisez ça, enlevez le couvercle, mettez le sac à poubelle et remettez le couvercle. Et comme ça, vous allez avoir un accès avec la petite porte du pot Tupperware. Ça va pas tomber? C'est mince, tu mets ça où? Dans l'auto? Petite base passager, proche de ton joystick d'arcade. Pas supposé ça va tomber. À chaque virage, ça va tomber à terre. Peut-être, mets un poids dedans. Mets une roche au fond. Mets une roche au fond, OK? Pourquoi pas? Mets une roche au fond. Moi, je trouve que c'est bon. Tiens, on parlait de guimauve tantôt, faire fondre des guimauves. On a parlé de ça. Pour étudier, c'est de mettre des guimauves. Donc, si vous manquez, vous n'avez pas de glaçage pour vos muffins quand vous faites ça dans le four, OK? Ouais. Mets ta guimauve sur le muffin, dans le four, puis ça va fondre et faire un recouvrement, quand t'as pas de glaçage, un recouvrement de guimauve. Ça a l'air bon, hein? C'est cool. Sur des muffins, miam! Vous voulez tout le temps boire dans la piscine, mais vous n'avez pas de piscine. OK, mais pas boire l'eau de piscine. Pas boire l'eau de piscine. Okay. Et Justine est au courant que les portes vertes, c'est bien important. C'est bien important. Dans Intercell 96, si vous en achetez une, faites-vous pas fourrer, il n'y en a pas. Donc, prenez une nouille, OK, pour la piscine, coupez-la en morceaux et à l'intérieur, faites un petit... À l'intérieur? Mais mettons, vous prenez vos deux parties, vous avez coupé deux petites parties de styrofoam, OK? Vous faites un trou dedans, vous les attachez ensemble et vous prenez un autre bout de votre tuyau et puis vous défaites l'intérieur du styrofoam puis vous insérez ça dans le trou que vous avez fait. Et ça va faire un porte-verre, OK? Mettons, tu divises ta nouille en trois morceaux. Ouais. Deux morceaux qui sont collés ensemble qui vont faire la stabilité pour la piscine. Oui. Tu fais un trou dedans, tu mets ton affaire dedans. Clac. C'est super de bonne idée. Bon, bref. J'ai pas trop bien vu dans ma tête. Là, c'est un peu difficile à expliquer, j'avoue. Là, l'image est sur le site assemblagerequis.com, mais c'est d'insérer un bout de nouille dans un trou sur deux autres nouilles. On lâche le sujet. Bref, faites juste une construction à base de nouilles. Une construction. Oui, c'est ça. Ensuite, vous avez une carte cadeau, vous vous demandez tout le temps combien d'argent qui reste dessus. Ouais. Claire? Bon. C'est vrai que c'est frustrant. Ça. Prends ta dernière facture quand tu vas magasiner avec, puis tape là ou emballe ta carte de ta facture. Mais ça, c'est des cours de responsabilité 101. Moi, en tant que Gémeaux irresponsable, je penserais jamais à ça. Mais c'est ma responsabilité de te responsabiliser. Ah, c'est bon, ça. Tu comprends-tu? Moi, c'est quand tu reçois une carte cadeau, OK, et que le montant n'est pas écrit dessus. Ouais. C'est tellement gênant. Ah, merci. Il y a combien dessus en passant? 5 piastres. Mais non, mais c'est une question qui se demande quand même bizarre. Ouais. Fait que je me suis dit, ben, avant d'aller magasiner, je suis allée demander à la caisse, excuse, peux-tu me dire combien qu'il y a dessus, tu sais? Puis là, tu te rends compte que c'est vraiment juste 5 piastres. C'est ça. Mais tu veux pas surdépasser. Tu veux dépasser tout court, c'est pas mal surdépasser. Mais finalement, c'est ça, parce que tu peux pas te dire, ah, oh, ben, je vais prendre comme pour 50 piastres de stock, ouais, puis arriver à la caisse, il y a 20 piastres, puis tu lui dois 30 piastres. Et finalement. T'es perdant. Oh, c'est mon ça. Dieu. Et c'est vicieux comme ouais. cadeau. Tiens, parlons de chips maintenant. Les Pringles, c'est toujours difficile de sortir les chips de ça. On s'entend là-dessus? Non, j'ai une petite main. Félicitations. Félicitations. Ça rentre à bien des places. Partout. OK. Prenez une feuille de papier. OK. Courbez-la un petit peu. Entrez la feuille propre, de préférence, dans le truc de Pringles et faites sortir et ça va descendre. Je fais vraiment des drôles des de gestes aujourd'hui. À chaque fois que je prends. C'est un va-et-vient. À chaque constant. Fois que tu prends une boîte de Pringles. C'est ça. Bref, et les chips vont tomber sur la feuille de papier et vous allez pouvoir les manger une par une. En tout cas, moi, j'ai un meilleur truc. Tu prends un sac de Lay's déjà utilisé. Là, sac les vieux. Pringles, c'est ça. Sac les Pringles. Ou un bol, ça. Ou si, ou un ta bol. Bouche directement. Ah ben non, pas dans le bol. Je suis sûr que ça goûte pas pareil des Pringles non, dans un bol. Deux ou trois à la fois, ça goûte très bon des Pringles. Moi, je me faisais tout le temps des becs de canard. Oui, moi aussi. Oui. Oh. Tu sais, ben, pour payer ces Pringles qu'on va aller s'acheter ce soir tous parce qu'on en veut dorénavant. C'est tellement vrai. Tout le temps, on a de la misère dans le portefeuille de sortir la bonne carte de crédit ou débit parce que tu vois pas l'icône dessus. Ben justement, placez vos cartes côté icône à l'extérieur. Tu sais, le côté icône face à la sortie du portefeuille. C'est dur à expliquer, c'est super visuel. Mais tu mets le côté Visa par en haut oui. dans ton portefeuille. Comme ça, tu sais vois, que c'est Visa. Tu sais que c'est Visa. Moi, ça que je fais, je trouve ça cool. Ben, je sais pas. Il y en a des couleurs différentes. Moi, il y en a une qui est dans un étui. Puis... Ouais. Moi, il y en a une que c'est du pied-pied. C'est du papier bulle qui recouvre ma Visa. J'ai-tu ouais. assez de l'air vraiment sérieuse wow. quand je vais m'acheter, je sais pas, moi... De quoi? Quelque chose. J'ai vraiment pas de l'air sérieuse. Des Pringles. Non, moi, je reconnais mes cartes en sachant que ben, elle a plus d'argent dessus. OK. Pour avoir le meilleur son possible dans un cinéma, OK, on va au cinéma, pas un cinéma maison, un vrai cinéma, achetez-vous deux tiers à l'arrière et aussi proche du milieu possible. C'est là que se mettent les ingénieurs de son pour tester le son dans les cinémas. Donc, aux deux tiers de l'avant, donc ça fait un tiers de l'arrière, finalement, et au milieu de la salle. Mais c'est toujours là que je vais m'asseoir. Bon. Oubliez pas votre tape à mesurer. C'est ça. Deux tiers, ça, Mathieu, tu vas avoir de la misère à trouver ça. Moi, j'aime mieux les corps. Le corps de poitrine. pour la crème glacée, maintenant, la crème glacée a tendance à fondre souvent dans le congélateur. C'est tellement pas grave. T'en manges tout. Je sais bien, t'as à bois. Ben bon. Oui. Donc, mettez votre crème glacée, votre pot de crème glacée, pas la crème glacée en tant que telle, la vie dans un sac Ziploc, un gros sac Ziploc, OK? Le contenant dans un sac Ziploc, ça va empêcher de. Dans le fond, c'est que ça va. C'est pour. En fait, c'est ça. Je recommence. C'est pas pour pas qu'elle fonde. J'essaie de voir mes mots venir à l'avance, fait qu'elle les murmure avec sa bouche. C'est pas pour l'empêcher de fondre, c'est pour l'empêcher d'être trop dur. Je me suis mal expliqué. Mais en fait, les deux, c'est un phénomène égal. En fait, j'ai lu un livre sur la science de la bouffe. Sur la crème glacée. En fait, vraiment, concernant la crème glacée, c'est très important d'avoir un congélateur extrêmement froid. Ouais. Parce que le moindrement qui est pas assez froid, il va dégeler, puis en regelant les cristaux, à la place de faire des affaires remplies d'air, puis de tout être moelleux là, quand tu bouffes. Ça fait des gros cristaux poche. Durs poches. Fait que l'idée à Mathieu est excellente, vraiment. C'est pas la mienne en passant, mais oui, c'est une très bonne idée. Ouais, mais Mathieu, on fallait pas que tu le dises. Prends le crédit. Ah, chut! Non, je suis pas de ce genre-là. C'est ça. Mais il y a aussi le truc aussi de mettre un papier. Si, genre, vous avez vraiment des problèmes de cristaux, ne mettez vraiment un papier saran wrap, plastique, une pellicule de plastique, ouais, par-dessus la crème glacée. Fait au moins. Dans le couvert. T'enlèves le couvert, tu mets le plastique, puis tu remets le couvert. C'est ça. Ah. Cool. Très bonne idée, ça. J'aime encore mieux ça que le papier, que le sac Ziploc, je trouve. C'est un gros sac Ziploc, là. Surtout, c'est de la crème glacée Quatico, ouais, qu'on s'entend dessus. C'est rendu. Ça rentre pas dans aucun congélateur. Moi, j'ai tendance à oublier ma cuillère quand je mets un pudding au travail ou un yogourt ou n'importe quoi. Ouais. Ah, ouais. Puis là, t'es écrasé ton affaire. Puis tu sais avec ta langue. C'est exactement ça que je fais. Ah, on est tout pareil. Tes collègues, ils te regardent et t'es comme. Non, tu fais ça en privé. Mais prends salle de bain. Quand tu ouvres ton yogourt, c'est ça. Quand tu ouvres ton yogourt, OK, replie. Ouais, tu vois venir. Replie le couvercle, si on veut, le petit morceau d'aluminium qu'il y a dessus, et ça fait une très bonne cuillère quand tu le squeezes ensemble, quand tu squeezes les deux côtés, oui, ensemble, ça fait une très bonne cuillère. Fais ça. Lave ton contenant avant. Donc, ouais, ça, oui, ça. Tu laves le dessus, puis après ça, tu l'utilises comme une cuillère. C'est super. C'est génial. Si tu veux voir dans le noir... Et j'ai déjà parlé de ça, donc c'est un fait, les pirates faisaient ça. Les pirates avaient un patch pour que quand ouais, c'est ça, pour que leur œil s'habitue au noir, oui, et quand ils entraient dans une place noire, ils tassaient leur patch de place pour que l'œil qui avait été entraîné au noir. Parce qu'il était déjà habitué. C'est j'ai ça. Vu ça à Mythbusters. Encore mieux que ça. C'était génial. C'était génial. Mais justement, même chose. Si vous voulez voir dans le noir, tout ce que vous allez faire, c'est fermer un œil alors qu'il fait encore jour, qu'il y a encore de la lumière. Et quand tu t'apprêtes à sortir de la pièce, tu changes d'œil. Mais il faut que tu fasses quelques minutes à l'avance. Tu as juste l'air fou, pareil. Il faut que tu planifies que tu te fermes un œil. Mais pas 30 secondes à l'avance, mettons, c'est pas assez, tu sais. C'est débile. Quand tu penses à le faire quelques minutes à l'avance. Bon. C'est débile. Tiens, repas facile. Ça, j'adore ça. Vous avez tous une machine pour faire des crêpes ou des gaufres et on s'en sert rarement. Bon, j'ai une gaufrière. C'est le fun, une gaufrière. J'adore ça. Prends Pillsbury. Tu sais, Pillsbury fabrique différentes pâtisseries, n'importe quoi comme ça. Toutes délicieuses. Toutes délicieuses. Toutes plus délicieuses les unes que les autres. Voilà. Ben, à la place de suivre les instructions, ben, découpez-les en rondelles, en gros mishmash de pâtes. Là. Faites la forme que vous voulez. Sacrez-les dans votre gaufrière, puis fermez la gaufrière, puis ça va faire des pâtisseries à saveur de Pillsbury, mais en forme de gaufre. Wow! C'est pas génial, ça? C'est génial. Une autre recette délicieuse pour le déjeuner. Moi, vraiment, ma chronique est très déjeuner aujourd'hui. Tu sais, on aime les grilled cheese. Ah ouais? Mais à la place, là, pain, OK? Pain. Confiture. Bird pin. Dans la poêle. Oh mon Dieu! Un grill breakfast. PB&J. Grilled Gian. Me semble que je ferais ça avec du pain au raisin, moi. Grilled Gian Bay. Voilà, c'est le nouveau nom. Avec quoi? Du pain au raisin. Pain au raisin, vendu. Je te donne une passe de pain au raisin présentement. Tellement. Mais attends, regarde pain au raisin, là, beurré là, à fond, là, avec du fromage de chèvre dans la poêle. Je te jure, ça va faire comme une espèce de grilled goat. Oh. Raisin and goat. Ben, wow. Moi, je trouve que c'est bon du fromage de chèvre. Si vous aimez ça, ben oui. Du pain au raisin, c'est vraiment bon. Ah, merci. Super. Pain canneberge aussi. De très bonnes idées à déjeuner. Quand on va aux toilettes, souvent, et là, évidemment, c'est pas moi, mais vous, mettons, à la maison. Parce que lui, il va jamais à la salle de bain. Ça vous arrive de compléter votre besoin number two. Okay. Et là, la toilette part instantanément, mais t'as pas... ta toilette, elle part tout le temps. T'sais. Ouais. Ouais, laissons faire les détails. On s'en va avec le fait de prendre du papier de toilette et de l'entourer autour de la lumière de la toilette. Ben oui, c'est bien plus écologique. Non, mais comme ça, ça va empêcher le détecteur de voir que t'es debout. Ouais, mais c'est pas écologique de gaspiller ce papier de toilette comme ça? Non, mais au moins ça part pas. Mais il faudrait qu'on conçoive une espèce de protecteur de... Juste un tape noir, je pense. On pourrait concevoir un tape mais noir. Mais c'est vrai que, tu sais, c'est pas très écologique parce que ça part tout le temps tout seul. Oui. Ouais. Tu penses pour aller chercher le papier qui est loin, exact. Ça part. Tout le temps. Fait que moi, je trouve ça fatigant. Fait que ben je trouve que c'est un bon truc. Puis au pire, ben utilisez-le après pour vous essuyer les mains à l'extérieur du papier, évidemment, pas l'intérieur, parce que l'intérieur a touché au truc. Bref, peu importe. Prochain truc pour quand vous avez mal à la gorge. On nous dit de préparer une tasse de thé brun. Ajoutez le jus d'un citron et une cuillerée à thé de sel. Brassez et gargarisez-vous avec ça 2-3 fois par jour et votre mauvaise gorge, votre gorge endolorie va... Mais c'est vrai, à chaque fois que je dis à ma mère j'ai mal à la gorge, elle me dit garise-toi avec de l'eau salée. Mais c'est parce que ça m'écœure. Peut-être qu'avec du citron puis le thé, ça serait peut-être moins pire. Ça a l'air même de bon breuvage. Ça. Ben oui. Bien aussi, moi, tout le monde se fait ça. Avec de l'eau chaude, du miel, puis du jus de citron. Ça aide. Et moi, je me suis fait dire que oui, ça aide sur le coup, mais après, c'est pire parce que le miel fait faire des sécrétions dans la gorge et que ça empire ton mal de gorge. Je sais pas trop c'est quoi la source, mais je me dis que c'est vrai que... On peut rien à pas le faire. Sur le coup, ça fait du bien, mais après, t'es juste comme... Merci pour le témoignage. Ouais, c'est bon. Comme ça, dans la douche. Tu sais, dans la douche, on a tendance à divaguer sur d'autres affaires, penser à des affaires que tu veux pas nécessairement penser, des affaires négatives. À la place, si tu veux penser à des affaires positives, achète-toi un rideau de douche avec des affaires le fun dessus. Par exemple, il existe des rideaux de douche avec une carte du monde, mettons. Fait que, tu sais, vous allez devenir un genre de féru de géographie. Mais non, tu vas juste penser au tiers-monde, comment ça va pas bien en Afrique. Tu peux pas se laver. C'est ça. Puis là, tu vas fermer l'eau, puis tu vas être super écologique, par exemple. Wow. Si t'as des gaz. Couche-toi sur le dos, lève ton genou gauche jusqu'à ta poitrine, et apparemment que ça va tout sortir. C'est le fun à savoir, ces affaires-là. C'est tout sortir? Tout sortir. Tout. Tout, pas tout. photo de tout. Mais ça va, le gaz. Le gaz. Merci pour ça. C'est ça. Utiliser un truc, un bac à glace, finalement. Un bac à glace. Quand, mettons, tu as des affaires électroniques à défaire en morceaux, tu sais, tu as des petites vis, des affaires comme ça, dans les casiers de ton truc de glace. Ou encore, quand tu t'en vas te construire un meuble quelconque, ouais, genre Ikea, tu répartis tout, là, genre the vis number 25, puis t'en as 5 exemples. Boulonné, comme dans nos instructions dans l'intro. Exactement. Si tu te fais kidnapper, ça nous arrive tous une fois de temps en temps, la prochaine fois que tu vas te faire kidnapper et qu'ils attachent tes mains ensemble et te mettent du ruban collant adhésif sur la bouche, lèche le tape jusqu'à temps que ça tombe. Lèche le tape. Si, ben, tu sais, mettons qu'ils te mettent le tape sur la bouche puis que tu réussis à entre-ouvrir un petit peu ta bouche. Ça va faire fondre la colle. Ça va faire. Ben des affaires. Ben des affaires. Dont des lèvres gercées. Tu veux pas ça, fait que non, fais ce qu'il te dit, le gars. Ouais. C'est sûrement toxique, en plus. Ben oui, mais là, c'est toxique. Tu vas peut-être mourir. Oh non. OK, on se dépêche. Il nous en reste quelques-uns, là, Véronique, de nous attendre. Donc, si vous voulez vous débarrasser de linge, de vêtements dans votre garde-robe, vous voulez vous débarrasser de 25% de vos vêtements, demandez-vous, ou peu importe le pourcentage, demandez-vous, si je magasinais en ce moment, est-ce que j'achèterais cet article-là? Si la réponse est non, ben tu te débarrasses du vêtement. Si maintenant j'étais en train de magasiner, est-ce que je trouverais ça assez beau pour l'acheter là? Bref, peu importe. Si vos biscuits sont mous, non, en fait, vos biscuits sont comme un petit peu passés date. En fait, ils sont pas mous, ils sont juste passés date un peu. Ils sont verts. Ils sont pas verts, non. Si tu les mets dans un sac de plastique avec un morceau de pain et tu laisses toute la nuit, le pain va absorber l'humidité. Exactement, ça? Il va redevenir un petit peu plus solide. Malade. C'est le fun. J'aime ça. En général, je pense qu'on va terminer avec celui-là ou le prochain. En général, les poignées de porte qui sont à la verticale sont faites pour être tirées, alors que les poignées qui sont à l'horizontale sont faites pour être poussées. Ah oui, c'est vrai, il y a des fois, là, c'est organisé à l'envers, ouais, là, puis là, tu t'en vas pour, genre, tirer une poignée de porte verticale, puis t'es comme, oh, ça marche pas, puis t'as l'air fou. Mm-hmm. Ouais. Mais là, tu te frustres parce que l'ingénieur de poignée de porte, parce qu'il Il l'avait pas. Il l'avait pas, là. You don't got it. Exactement. Et c'est ça. C'est à peu près tout pour les instructions d'assemblage pour cette semaine. Ah? C'est assez, je pense. On se souvient tous de comment évacuer nos pets maintenant. C'est la seule affaire que j'ai retenue. Non, non, la crème glacée. La crème glacée avec le... Moi, c'est le sandwich beurre de peanut confiture dans le poêle. Oh mon Dieu, tellement, là. Oh. Et les variations. Oui. Pain raisin. Pain raisin. On se passe une mission de déjeuner. Oui, oh mon Dieu, j'ai faim. C'est tout pour les instructions d'assemblage. Les liens sur assemblagerequis.com. Ça va être la fin de la troisième heure aussi. On va se retrouver tantôt en quatrième heure avec notre amie Véronique Mire et son Véronictionnaire. Lettre P, part 1. Part 1. Part 1, c'est mon seul mot. C'est assez. Je vais t'appuyer sur un punch. Oh, punch. Punch. Punch au fruit. Les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. C'est toujours Assemblage Requis à la plage. Pour la semaine 5 août 2013, c'est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Mm-hmm. Justine Renaud est toujours avec nous aussi. Toujours. Pour encore un bon bout, j'espère. Oui. Hein? Est-ce que tu veux nous aider à accueillir Véronique Mire? Je t'aide. Par quelle main tu veux que je la... Ça dépend ce que tu veux faire avec. Je la rentre dans le studio. Wow, c'est... Tout un accueil. Sexy, tout ça. Ouh. Donc, c'est le Véronictionnaire. Oh. Yeah! Le gâteau! De retour d'un congé de 2 semaines, en fait. Oui, 2 belles semaines. Il s'en est passé des choses. Ouais. Ah ouais? T'es rouge. Visiter. Ah ouais, fait fou. T'en es allé visiter le lac mégantique, voir un peu de quoi ça avait l'air, voir des amis. Ce qu'il en reste. Ouais. L'île Saint-Quentin. Ah, OK. Faisait assez beau. Très exotique. Etc. C'est des c'est une staycation qu'on appelle une vacance. Une staycation, ouais. Non, c'est plus quand tu restes à la maison. Tranquille, ouais. Relax. Ouais. Donc, me voici de retour avec la lettre P. Part 1. Eh oui. C'est une grosse lettre. Partie 1, exactement. C'est un peu majuscule. J'ai commencé à faire mes recherches, puis là, je me suis dit, là, ça n'a pas de sens. Il y a bien trop de choses intéressantes à dire là-dessus. Fait c'est que, problématique, P. P. Ah. Ouais, ouais, ah. Ouais. Mais c'est surtout très plaisant. Oh. Donc, je coupe en deux, puis en fait, il y avait d'autres choses que j'avais pas eu le temps d'aller fouiller. Fait que je vais continuer ça pour la semaine prochaine. Cool. Donc, P. Le premier P, c'est Piranha. Ah. Oh. ou les piranhas? Le film ou le poisson? Le poisson. Le film, c'était mauvais, là. On je l'ai même pas vu. Mais piranha 3D, genre? Non, ben tu vois, c'est ça. Genre. 3D, ouais. Tu sais, pas de scénario, c'est juste des piranhas qui t'as pas besoin. Qui mangent des filles. Ouh, juste en des bikini. Filles. En bikini. Exactement. Ou en monokini, si et boy. Donc, les piranhas se regroupent en bancs pour chasser des proies plus grosses, évidemment, mais sont quand même souvent solitaires, donc pas toujours en banc, les piranhas. Puis c'est ça l'image qu'on a, hein, le banc de piranhas qui arrive, puis il reste juste les os ou plus rien du tout. Dans les films ou dans les dessins animés, c'est ça qu'on voit. Mais ils ne s'attaquent pas systématiquement à des êtres vivants. Ah. Il faut qu'il y ait du sang dans l'eau pour qu'il ait envie de manger la chose en question. Donc, il faut faire attention. Donc, on aurait pu faire une pub. Vous avez vu la pub du requin qui mange la fille qui a un mauvais tampon? Vous avez non. vu ça? Non. C'est comme Tempax, ça. Ça n'a pas passé à la télé, mais il l'a sur YouTube. Parce mais non, que, c'est de mauvais goût. Oui, vraiment. Ben, littéralement. Ouais. Il y a les deux filles, une qui a un Tempax, puis l'autre qui a un No Name, puis elle se fait manger par un requin. No Name. Donc, Alors, quand il y a du sang dans l'eau, ben, ils peuvent le sentir à une dizaine de mètres. Donc, c'est là qu'on est en danger. Puis, qu'est-ce que je trouve intéressant aussi des piranhas, c'est qu'ils sont habités par des vers nématodes, donc des Rondonia rondoni. Sympathique? Non, c'est dégueu. Rondonia rondoni, mais c'est pas des parasites, c'est des symbiotes. Donc, les petits vers qui peuvent atteindre jusqu'à 15% du poids du piranha. Le piranha les fait vivre. Il mange, qu'est-ce qu'il mange, tout ça. Donc, c'est assez spécial. Mais oui. Spécial, les piranhas. C'est peut-être pour ça qu'ils mangent tout, hein, ils sont fauchés. Sont comme habités par d'autres choses. Je sais pas. Donc, l'autre lettre P, la pomme. Ouh. Oh. Mais plus particulièrement, peut-être que vous la savez, celle-là, pourquoi la pomme brunit une fois qu'elle est pelée? C'est pas de l'oxydation. Quoi? L'acide, quelque chose avec l'acide? Ouais, l'oxydation du perchlorure d'argent. En fait, il y a du perchlorure d'argent dans la pomme, puis la pomme ne s'oxyde qu'à la lumière. Donc, si vous pelez une pomme dans le noir, elle ne s'oxyde pas parce que le perchlorure d'argent réagit à la lumière. Fait qu'à la place de sortir le jus de citron, tu fais juste fermer la lumière. C'est ça. Tu vis plus. Puis là, un coup que tu ouvres ta lumière, ben, tu peux même pas voir si c'est vrai que ça marche parce que là, elle se met à brûler. Donc, c'est quand même spécial. Oui, mais si tu la pelles puis que tu la mets tout de suite au frigo dans le noir, est-ce qu'elle va brûler? Bonne question. Faudrait l'essayer puis s'en reparler la semaine prochaine. Faut que tu dévisses ton globe dans le frigidaire pour être sûr, ça. Peut-être qu'aussitôt qu'elle a un peu de lumière, elle se met à mourir un peu. Ouais, c'est ça. Mourir. Vu qu'elle oxyde se détériorer. Dans le fond, ouais. J'imagine que de toute façon, à la longue, elle doit finir par brunir parce qu'elle n'a plus la peau pour la protéger. Hein. Donc, mais bon, à l'annonceur, supposément que ça le fait pas. Les pépites de chocolat. Miam. Pourquoi que les pépites de chocolat ne fondent pas dans les muffins, dans les gâteaux c'est vrai, et tout, ça. Hein? Ça fait pas comme plein de Nutella ou de chocolat mou. C'est aussi délicieux, mais c'est pas ce qu'on cherche. Quand même. Mm-hmm. Donc, en fait, qu'est-ce qui se produit? C'est que la pâte à biscuits ou à muffins ou à gâteau est assez solide pour faire que les pépites de chocolat se tiennent ensemble. Puis, quand ça refroidit, la pépite de chocolat va fondre quand même, mais étant donné que la pâte de gâteau est dense, consistante autour d'elle, elle garde sa forme. Mais elle fond dans son petit mouton de chocolat. Puis, quand le tout refroidit, elle garde sa forme encore. Cool. Une chance que ça existe, ça. C'est bon. C'est bon. Les patates. Pitates. C'est bon, les patates. Les petites patates. Oui. Oui, les patates. Donc, juste les différentes sortes de patates, en gros. Donc, est-ce qu'on les nomme toutes? Non. Non, mais puis aussi, quel usage en faire pour les utiliser à leur meilleur? C'est surtout ça que je voulais voir. Donc, comme les patates rondes, ça, c'est la parfaite patate tout usage. Oui, avec du beurre. Je vais tout faire avec cette patate-là. Mm. C'est la super patate. Après, vous avez la Yukon Gold. Ah, ça, c'est bon. C'est bon, ça, hein? Ça, je les aime, eux autres. Eux autres sont super bonnes en purée. Oui. Surtout parce que visuellement, ben, ils sont jaunes. Ah, donc, c'est super beau. Les recettes. Les recettes, on s'en sert surtout pour les frites. OK. Les patates recettes, les frites, les croustilles. La plupart des frites, les Lay's, sont faites avec des recettes. J'ai une bonne recette de recettes. Ensuite, l'Idaho. L'Idaho, on voit ça souvent, mais en fait, ça, c'est une marque de commerce. De la recette, comme les Kleenex, sont des mouchoirs. C'est des recettes. Donc, les Idaho, c'est pas vraiment une sorte de patate, c'est juste une marque de commerce. Mais est-ce qu'ils sont obligatoirement cultivés en Idaho? Je ne sais pas. C'est ça doit être une appellation contrôlée, je ne sais pas quoi. Peut-être. Comme le champagne. Ça se peut. C'est un peu moins glamour. Là. Moi, je mange des pommes de terre Idaho. Ça dépend d'où tu viens. J'imagine qu'il y a des places un peu plus pinces. Avec les petits doigts dans les airs. Là. Ma Idaho. Mais moi, j'aimerais bien essayer les pommes de terre bleues. J'ai vu que ça existait, mais j'en ai jamais mangé. Toi, t'en as déjà mangé. De couleur bleue? Oui. Ben, je sais pas. Pommes de terre bleue, ça se peut. Moi, je ferais bien une dauphinoise avec ça. Là. Sur la mandoline, là, une fine tranche, tu te laisses tremper dans l'eau pour enlever l'amidon. Puis après ça, tu mets de la crème, du fromage gruyère, du four, ça va être bon. Tu es en train de se donner faim. Ah oui, ça, puis des pépites de chocolat. Ça ressemble à ça. Mais puis en fait, les patates bleues, c'est pas des trucs génétiquement modifiés. Là. C'est vraiment, ça existe depuis des milliers d'années. C'est juste une patate qui est bleue. Comme les Tostitos ou autres sortes de chips qui sont bleus, ça vient de cette patate-là, c'est ça? OK. Cool. C'est pas de maïs bleu, ça? Ah oui. Je pense que ça se peut. Mais c'est du maïs. C'est pas des chips de maïs? Oui. C'est du maïs. On le sait pas. Question pour une autre fois. C'est la lettre T, trop tard. Elle est passée. Les grelots et les patates nouvelles, ben faut les garder au frigo. Ceux-là, hein, parce qu'ils se conservent une semaine au frigo. Puis après, ils deviennent des patates vieilles, j'imagine. Des patates vieilles, oui, c'est ça. C'est ceux qui se conservent le moins longtemps. Si vous mettez des patates au micro-ondes, c'est quoi qui est important de faire? De ne pas le mettre dans le papier d'aluminium. Il faut le garder alentour. Alentour, il faut mettre un papier humide, ben, un papier essuie-tout humide. Là, je sais pas. Ouais, un papier essuie-tout. Faire puis, des trous dedans. Faire des trous. Ouais, faire des trous. Pour qu'elle explose. Ouais, exactement. Donc, n'oubliez pas de piquer votre patate au micro-ondes. Okay. Parce que ça se fait des patates au micro-ondes. Si vous en faites rien qu'une, ça prend de 4 à 6 minutes. Donc, mais il faut la surveiller. Il faut la surveiller. Parce que aussitôt qu'elle décide qu'elle brûle, elle brûle, puis c'est pas long. Ah, ça sèche. Oui, c'est vraiment dégueu. Fait que c'est vraiment en cas de dernier recours, mettons. Faites-la au four, mettons. Moi, je le fais tout le temps. C'est meilleur. Toutes les patates, les pommes de terre, se conservent jusqu'à 6 mois dans un endroit sombre et frais. Hein? Jamais. Donc, sombre et frais comme une cave froide, là. Les vieux, hein, gardaient ça, les patates, bien longtemps dans leur cave froide. Mais nous, notre problème, c'est qu'on les garde dans un placard ou l'été, il fait chaud. À chaleur, puis ça, puis là, ça fait des petits germes. Dans ce temps-là, là, quand vous avez des germes de patates, là, pas bien bon. On s'en débarrasse. Puis, quand vous les achetez, privilégiez les pommes non lavées. Les pommes de terre, c'est ça. Oh oui. Les patates, pommes de terre, non lavées. De préférence dans un sac de papier. Hein, de plus en plus dans les épiceries, ils vendent ça dans des sacs de plastique. Mm-hmm. À la maison, mettez ça dans un sac de papier. Ils se gardent plus longtemps. Ah! Cool. Et pourquoi non lavées? Ça se garde plus longtemps? Parce que, oui, c'est ça. Non, quand elles sont lavées, étant donné l'eau... Ils sont plus fragiles. OK. Ouais, c'est comme ça. Une chanson de Linda Lemay. On peut pas les laver. La patate fragile, le hit de Linda Lemay. Puis on dit d'un objet qui a une forme de patate que c'est un objet patatoïde. Oh mon Dieu, je le savais. Comme Monsieur Patate serait techniquement Monsieur Patatoïde. Ben, ça prend le petit gondolé, là. OK. En fait, petite. Je pense qu'il y a une gondole, je pense même une porte pour mettre les morceaux dans la patate. T'as bien raison, Monsieur Patate est un patatoïde. Voilà, donc la patate. Pourquoi on a la peau fripée en sortant d'un bain? Ou de la piscine? De l'eau, en général. De l'eau, oui, c'est ça. Je sais pas, bonne question. Ça, je l'ai déjà su, mais c'est comme une connaissance qui s'est évaporée. Ça va revenir, tu vas voir, je vais te le dire. Donc, en fait, c'est dû, c'est l'épiderme, hein, donc la couche supérieure de la peau. C'est la couche qui contient le plus de kératine, la molécule qui absorbe l'eau. Donc, quand on est dans l'eau trop longtemps, ben, l'épiderme est saturé. Puis comme c'est la couche supérieure, mais que quand même, il y a le derme qui est en dessous, qui est de la même grosseur en temps normal que l'épiderme, ben là, il va gondoler pour pas que ça pente de partout. Donc, c'est comme sa façon de réagir. Donc, je suis contente qu'on gondole, parce que ça serait dégueulasse. Ça serait laid, hein? On peint, on dépeint. C'est comme si on fondait dans l'eau. Ouais, ça serait laid, hein? Plus personne n'irait se baigner. Mais non, ça, j'allais dire. Mais là, au bout de 9 mois, dans le ventre de la mère, on s'entend-tu que le bébé, là, c'est une flaque, là? Ben, ça sortirait mieux, me semble, mais en flaque. Flock. Le docteur, flock. Voici votre bébé. Il est bien laid. Puis, parce qu'il est encore mou un peu, il va sécher. Il a accroché à la corde à linge. Ben oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Passe au micro-ondes avec... oublie pas de le piquer. Okay. Pas plus que 4 à 6 minutes. C'est ça. Puis, à quel endroit, hein, qu'on a le plus de plis? De plis? Sur les doigts? Ouais. Les doigts, les pieds, hein? Ouais. C'est là où qu'on voit, là, les empreintes et ça. Ma peau fait plis! Donc, mains et pieds. Puis, en fait, c'est parce que c'est là que la kératine se renouvelle le plus. Ah, là, power kératine pour ses doigts. Ouais. Power kératine. Donc, peau fripée. Poule! comme chair de poule. Comme Guy Mongrain pis sa poule aux odeurs. Ah, c'était beau, ça. Ouais, merci, bon, ouais, très bon, très bon. Poule comme chair de poule. Donc, pourquoi on a la chair de poule? Ça, c'est un mouvement réflexe. Oui. Ouais, ouais. Ça, c'est intéressant. Écoutez ça à la maison, là. Okay, c'est généralement un mécanisme de défense, soit contre le froid ou aussi contre une sensation inhabituelle. Hein, parce qu'on n'a pas juste la chair de poule quand on a froid. Quand on a peur. Quand on a peur. Aussi quand on est triste, excité. Ouais, aussi. Puis aussi, ou quand on regarde quelque chose qui nous émeut. Ah ouais? Ça vous arrive pas, vous? Ouais. Moi, j'ai tout à la chair de poule. Ah non, mais c'est vrai, quand t'écoutes une tourne, par exemple, qui vient te chercher. Exactement. La chair de poule. Moi, ça m'arrive quand je regarde la danse. Souvent, moi, la danse, ça m'émeut beaucoup. Donc, la chair de poule, mais je suis pas tout le temps sa chair de poule. Mais bon, donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça fait dresser les poils, parce que les poils, c'est une barrière contre le froid. On en a déjà parlé dans une autre lettre, puis j'ai oublié de regarder laquelle, là, du Véronictionnaire, mais de ce phénomène-là qui fait que ça nous protège, le poil nous protège contre le froid. Ah, ça devait être dans les V pour le vent, ça se peut-tu? Oui, exactement. Hmm. Ouais. Ouais. Elle écoute bon, bien. Bon. Hein? Que ça fait comme un isolant, ouais, c'est le ça. Poil. Donc, il va se dresser pour faire encore une plus grosse barrière d'isolant, mais en contrepartie, la peau se couvre des petits grains de poulet. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle la chair de poule. Et oui. Et voilà. Et voilà. C'est pas pire, hein? C'est réglé. Point de côté. Là, on est dans le physique. Point de côté. Un point de côté. C'est comme quand t'as mal, quand t'as un point... Quand on s'entraîne ou quand on a trop mangé. Hein, parce que c'est pas juste quand on s'entraîne que ça nous arrive. Non, parce que ça m'est déjà arrivé. Ça doit pas être parce que je m'entraîne. Mais on peut aussi avoir des points de côté au niveau des clavicules. Ça s'appelle quand même des points de côté. Ah. Puis ça fait vraiment mal. C'est un problème de circulation temporaire. Donc, c'est quand on respire plus vite, souvent quand on fait un effort physique de toutes sortes. Les échanges sanguins, apport d'oxygène, sont modifiés. La rate et le foie reçoivent trop de sang, puis ça freine la machine respiratoire. Et ça fait qu'on a des points aux clavicules. Ça fait assez mal. C'est pas le fun. Mais ceux qui sont plus au ventre, quand on fait un effort physique, ça, c'est le diaphragme, en fait, qui reçoit pas assez d'air. Donc, ça peut être du côté gauche ou du côté droit, parce que le diaphragme va des deux côtés, évidemment. Moi, je sais que mon entraîneur m'avait dit aussi que si t'as un poids, ça peut être un manque de potassium ou déshydratation ou justement, comme tu disais, trop de mouvement inhabituel, là, qui n'est pas habitué. Oui. Ça peut être vraiment plein de raisons. Ça peut pas être mon cas. Je mange une banane chaque jour. Oui. Donc, je ne manque pas de potassium. Parce qu'en fait, vous respirez plus vite, votre diaphragme n'est plus capable de suivre le mouvement. Donc, parce que c'est lui qui fait qu'on respire, contracte des tracts. Pour les muscles. Ou sinon, quand on a trop mangé, le sang afflue vers l'intestin et tout ça pour la digestion, mais plus vers le diaphragme. Donc lui, il fait hey, là, ça va pas bien. C'est pour ça qu'il pogne l'enquête, le diaphragme, à ce moment-là. Quand t'as trop mangé. Encore une autre question. C'est une rébellion, peut-être. Parce qu'il jouait à Jandy. Jandy, aphragme. Ça, là, on l'écrira pas. Non, hein? OK. Je vais vous en compter une bonne. Les pneus et les chiens. Les pneus et les chiens, il y a un lien. Les chiens font souvent pipi sur les pneus des autos. Il y a une raison derrière ça. Ah ouais? En fait, c'est que dans les pneus, il y a du caoutchouc. Puis l'odeur du caoutchouc se confond avec l'odeur de l'urine des chiens. Donc, les chiens croient, même si c'est un pneu neuf, ils vont quand même faire pipi dessus parce que des fois, ils confondent l'odeur du caoutchouc avec l'urine d'un autre chien. Puis là, ça devient un cercle vicieux. Là, il y a un autre chien qui va faire sa trace, donc vraiment, le pneu va vraiment sentir le pipi. Donc, il faut faire attention quand on s'achète ou qu'on porte des bottes de pluie encore. Oui, ça arrive. Dans les films, ça arrive des fois. C'est drôle, ça me donne comme l'image d'un chien en train de me pisser sa bedaine parce qu'il pisse sur mon pneu puis ça fait bizarre comme dans ma tête. Donc, voilà sur cette belle note de pipi. On va prendre un petit break. Il fallait bien finir comme ça. Donc, on va prendre une petite pause musicale avec une pièce du côté francophone dans le palmarès. C'est la position numéro 7. Et c'est Haiku Girl de Lila Dissard. Dans le Véronictionnaire. Come on, come on, come on. La position numéro 7 du côté francophone, c'était Lila Dissay, dont la pièce, attention, c'était Haiku Girl. Voilà, Haiku Girl, je n'étais pas sûr. Toujours le Véronictionnaire avec Véronique Mir, c'est la lettre P, et c'est la deuxième partie de la première partie. Donc, et oui. C'est comme le World 1-2. Mm-hmm. La prochaine sera le World 2. Une quadrilogie. Voilà. Donc, un petit peu de vocabulaire en bref, parce que je l'ai séparé en deux lui aussi. Mais j'ai fait, dans la deuxième partie, la semaine prochaine, vous saurez comment appeler péjorativement des personnes de différentes façons. Oh, wow! Ça peut être intéressant et pratique. Il y en a beaucoup dans la lettre P, des péjoratifs. Mm. Donc là, on est juste dans le vocabulaire en bref, il n'y en a que trois. Pâle-sang-bleu. Pâle-sang-bleu? Pâle-sang-bleu. Ça me dit rien. C'est un juron. Ah ben, tabarouette comme sac à papier ou des affaires de même. Ascenseur. Ascenseur. Ascenseur. Pâle-sang-bleu. Ascenseur. Sir, comme monsieur. Sir. Hey, sir. Caporal. Donc, pâle-sang-bleu qui vient d'une altération euphémique qui voulait dire de par le sang de Dieu, qui est devenu pâle-sang-bleu. Ah. Me voulant en train de pas utiliser cette expression-là, jamais. Non, pas tellement. Ben oui, mais c'est parce que tous les sacs sont religieux. C'est ça, exact. Le sac à papier, à ce que je sache, ça. Un sac à papier avant, c'était sac, moi la paix, Dieu, tu me fais le mode de papier. Il récoltait les hosties, voilà, puis c'est ça. Un sac à papier, c'était sac. Puis c'est devenu sac. Mais tordieux, c'était à tort à Dieu. Torieux, c'était à tort à Dieu. Mm-hmm. Okay. Des genres de trucs de même. Hein. Ensuite, la palinologie. C'est les fans de Sarah Palin. Non. C'est pas évident à deviner avec le nom. Paléontologie? Ben, c'est comme les trucs fossiles un peu, mais aussi actuels. C'est l'étude des pollens. Des pollens? Et fossiles. Ouais. Ah, genre l'indice pollen, la météo-média, là. C'est ça. Ouais. Pour deviner les. Pour trouver, en fait, les sortes de fleurs. C'est plus dans ce sens. OK. Si on dit pro domo. Donc, c'est quelqu'un qui va en cours et qui décide de ne pas prendre d'avocat, donc qui se fait son propre avocat. Ah. On dit qu'il a une défense pro domo. Hey, je serais pas bonne là-dedans. Si tu regardes bien Gros TV, hein? Et là, les émissions de cours là, et de ouais, loi. Oui, c'est ça. Tu dis objection à chaque 5 secondes. C'est ça. Tu souhaites que... ouais. Hey, pourquoi objection? Ça fait pas mon affaire. Pro domo. Donc, Popeye! Le marin. Ouais. Donc, ça a commencé en 1919. Ça s'appelait The Timball Theater. C'était E.C. Pas son nom complet. C'est bien plate. E.C. Segar. Donc, Monsieur Segar qui a inventé Popeye. Monsieur Segar, hein, quand même. Monsieur Segar. Puis, au tout début, ben, c'était dans les journaux. Hein. Souvent, les bandes dessinées, ça commence comme des journaux. Parce qu'avant d'être un comic, Popeye, c'était des BD. Puis, c'était des scénettes humoristiques indépendantes. Il n'y avait pas de lien entre les BD au départ. Puis c'était Olive Oyl et Harold Hamgravy. My God, j'ai de la misère. Harold Hamgravy, tu aurais été meilleur que moi pour la dire, hein, avec ton super accent, qui est devenu Hamgravy avec le temps. C'était que eux qui étaient dans la BD pas au début. Pas de Brutus. Brutus, papa, il était même pas là dès le départ. Ah. Puis, donc, 1919, c'était les scénettes indépendantes. 1922, c'est devenu, une suite. Donc, il y avait une suite d'un jour à l'autre. Et puis là, en 1929, Castor Oil, le jeune frère d'Olive et Hamgravy, voulaient aller à la recherche d'un trésor sur une île éloignée. Donc, ils cherchaient un marin. Et puis là, Castor voit un homme hors champ, puis il dit « Hey there, are you a sailor? » Puis là, Popeye, ou un homme qu'on ne connaissait pas à cette époque, dit « You think I'm a cowboy? » Puis là, et voilà. Donc, Popeye est entré en scène. Puis pourquoi? Ben en fait, c'est Popeye. Parce que son œil, hein, vous vous souvenez, son œil, il y a un de ses yeux qui est éclaté, en fait, qui ne s'ouvre jamais. Donc, il y a un Popeye. Donc, Popeye a carrément éclipsé beaucoup de personnages qui existaient à cette époque-là. Donc, c'est devenu la BD Popeye. Parce que c'était lui la vedette. Donc, c'était toujours la même histoire. Hein? C'est Olive, qui était une femme frivole, qui se laissait facilement séduire. Puis il y avait Brutus, hein, qui arrivait, puis qui voulait toujours la prendre. Puis là, il finissait toujours par l'avoir. Il l'enlevait pour l'avoir. Puis elle la trippait, là. Continue. Jeu drôle. Papa y arrivait. Puis on a fait un film avec ça. Et puis le film a été fait en 1933. Ben, en fait, adaptation en dessin animé. Là, ouais, pardon. Le premier. Un pas celui avec Robin Williams. Je ne sais plus trop qui jouait là-dedans. Je sais pas film, c'est qui. Live action, je pense que c'est Robin Williams. Ouais. Puis là, ils ont ajouté les épinards. 1933. Il n'y en avait pas avant. Puis c'est les États-Unis qui ont demandé à ce qu'on ajoute les épinards parce qu'ils voulaient encourager la consommation de cet aliment riche en fer à la population. Et pourtant, c'est pas si riche en fer que ça. Ah non? Parce que j'ai été très intriguée par le phénomène des épinards et tout ça. Et j'ai lu un article, quand ils ont pris comme le taux de fer dans les aliments, il y a eu une erreur de transcription. C'était supposé être 3,5 mg, j'imagine que c'est par 100 g d'épinards. Mais il y a eu une faute, ils ont tassé la virgule, ça donnait 35 mg. Donc, tout le monde tripait sur les épinards. Et ils ont justement fait le lien avec Popeye. Et les virgules, ça change tout, là, une virgule. C'est intéressant, ça. Donc, regarde le pont à Montréal. Il y a plusieurs erreurs de virgule dans les ponts à Montréal. Oui, pas mal. Quand les dessins animés ont commencé, Popeye est apparu d'abord dans un Betty Boop. Ah ouais? Des Betty Boop? Wow. Tu niaises? Il flirtait avec Betty Boop. Non, je te niaise pas. Ouais, non, c'était sa première apparition dans la série. Pas mal plus belle, Betty Boop, parce qu'elle, elle a des curves, parce que Olive Oil était vraiment planche. Échalote, ouais, vraiment. Puis, en fait, quand c'est devenu des BD en tant que tel, des comics, ça a duré 5 minutes. Chaque épisode. Yeah. Et puis, ils ont fait Popeye et fils, hein, Popeye and Son, après. Puis là, ben, Popeye et Olive se sont mariés. Ils ont un fils qui déteste les épinards aux grandes dames de Popeye. Et puis, Brutus s'est aussi marié. Il arrête d'achaler Popeye, mais son fils achale le fils de Popeye. Donc, voilà pour Popeye. Quand même, ça rappelle des souvenirs. Oui. Puis ça existe encore, hein? Il y en a encore dans les journaux américains. Mais c'est plus le même, évidemment. Là, il est décédé. Oh. Donc, voilà. Oh. Moi, j'aimais ça. Ben oui. Surtout les cigarettes Popeye. Ah oui, hein? Mais maintenant, les c'est bâtonnets. Des bâtonnets de sucre. Je m'en fous, c'est fait avec la poudre de tapioca, puis ça goûte divin. Je sais pas pourquoi. La poudre de tapioca? Bon. Ouais, genre la poudre, la poudre de quelque chose. Ils ont même plus le droit de mettre la petite teinture rouge au bout, parce que c'est plus une cigarette. Ça, tu peux plus faire la promotion de... Maudit. C'est le meilleur bout, le rouge. On mangeait le rouge à la boîte. Le pantalon. Pantaloons. Pantalon, donc, il y a différents noms. Ce sera mon dernier d'aujourd'hui. On va terminer avec lui. Donc, on l'appelle des braies, des culottes, des choses, un froc, un fendeur ou encore un valseur. Ça, c'est plus en France, évidemment. Ou des pants. Oui. Hein, au Québec, nous autres, on dit ça beaucoup. Son nom vient du personnage bourgeois vénitien qui en portait un rouge dans la Commedia dell'arte. C'est peut-être Monsieur Pantalone? Pantalone. Hein, donc, le nom pantalon vient de Pantalone. Donc, il a été introduit en Occident par les Hongrois et les Turcs au 16e siècle. La Révolution lui assigne plutôt un caractère politique. Les gens du peuple portent un pantalon rayé bleu et blanc. Comme Obélix? Ben oui, c'est vrai. Oui, en contestation contre l'aristocratie cousu dans sa culotte et ses bas de privilégiés. Hein, parce que l'aristocratie portait un peu des shorts avec des bas hauts. En tout cas, des shorts qui arrivaient aux genoux. Bon, ils portaient pas exactement des pantalons. Donc, les travailleurs, eux, portaient tout le kit long. Mais on les appelait les sans-culottes. Quand même, c'est assez bizarre. Puis, au 19e siècle, il y a un monsieur qui s'appelle Beau Brummel. Un beau Brummel, comme on dit maintenant, un beau Brummel, genre, on dit ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Au 19e siècle, on dit ça beaucoup, hein, un beau Brummel. Tout le temps. Puis, en fait, lui, il faisait partie de la gang des hommes distingués qu'il y avait au 19e siècle, là, qui ont lancé un mouvement d'hommes distingués qui s'appelait des... ça commence par D. Les dandies. Comme donc, Dandy Warhol. Monsieur Beau Brummel était un dandy. Puis un pionnier du dandisme, en fait. Puis c'est lui qui a lancé la mode du costume sombre et le pantalon qui s'appelait à l'époque un tuyau de poêle. Donc, ça n'a pas l'air beau de même. Non, pas super. Alors, me revoici. On se revoit la semaine prochaine. Oh non, c'est déjà fini. Partie ça passe vite. Deux. Ben oui. Deuxième partie de la lettre P. Donc, on va s'amuser encore avec d'autres mots. Il y en a encore qu'on a dit tantôt qui n'ont pas été mentionnés dans ta chronique. Donc, tu as encore des chances de te rattraper. J'écoute ça, là. Poêle. Mm-hmm. Poêle, oui. Oh mon Dieu. Ouais. Ben, on a parlé de poêle avec la chair de poule. C'est vrai. Ah! Chair de poêle. D'ailleurs, on a la chair de poêle. Chair de poêle. Je sais pas. C'est comme si un poêle avait de la chair. Je voulais apporter une rectification tout à l'heure au sujet des cigarettes Popeye. Oui. C'est pas avec de la... farine de tapioca. Pas avec la farine ou je sais pas quoi de tapioca. C'est avec de l'amidon de maïs. Ah! qui peut être interchangé dans certaines recettes, là, mais je voulais juste apporter une modification parce que on m'aurait traité de menteuse puis je fais pas du bon coverage journalistique. Non, désolé. Merci, ça devait être dans un autre bonbon que j'ai vu ça. Ça devait être un bon bonbon. On va tout goûter tous les bonbons qui ont été fabriqués jusqu'à maintenant pour trouver celui qui a ça dedans. Bonne idée. Bon, ouais, on commence ce soir. Ouais, maintenant. Yes. Ouais. Merci beaucoup, Véronique Mire. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Oui. Mm-hmm. On retourne en musique, entendre une autre pièce du côté francophone. C'est la position numéro 6 qui monte de 4 places. Don't Get La, de Mister Valère. Ben, okay. Oui. Okay. Le temps assemblage requis à la plage. Qui est à la plage avec Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante. Popeye aussi qui est avec nous. Et Justine Renaud. Oui. Ça va? Oui. Toujours subjugué par la douce voix de Popeye. Ah, c'est sublime, hein? C'est, il est charmeur. Ça vient droit du fond du... De son emphysème. C'est exactement ça. donc, oui, ben tu sais, on vient à notre émission, à la programmation régulière, bien sûr, avec la chronique Kinky Sexy Time. Non, pardon, parce que j'avais fait pause. Attention. C'est excitant. Kinky. Sexy, c'est Popeye. Ah oui, Popeye, on va en reparler tout le long. Oh oui. Donc, Kiki Sexy Time, la chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti. Justine, t'es avertie? Je suis avertie. Stéphanie, t'es avertie? Oui, je pense que oui. Nous sommes tous des gardiennes avertis. Voilà. Oui, caille. J'ai mon cours. Ah. Moi, je l'ai pas. La petite carte? Je le dirai pas aux parents avec qui j'ai gardé des enfants. savez-vous que la caille japonaise, OK? Une caille japonaise qui va fouetter son sperme jusqu'à temps que ça fasse de la mousse qui ressemble un petit peu à de la meringue avant de passer à l'acte. C'est dégueulasse. De quoi? Dedans son lui-même ou à l'extérieur? Et, je sais pas. mais ça fouette son sperme. Il est venu avant ou après? Je sais pas. Je comprends pas. Ouais. C'est vraiment kinky, ça là. Du... Ben, c'est ça. Sinon, allons-y avec les Chinois, qui ont le plus de partenaires sexuels, avec 19 dans leur vie. 19 partenaires sexuels en Chine. Les Vietnamiens, eux, ne le font qu'avec 2 personnes et demie dans leur vie. Mmh. C'est pas beaucoup. Je sais pas s'ils frottent leur affaire pour jusqu'à temps que ça fasse de la meringue. Le plus vieux père du monde, Nanu Ram Hoggy, qui est récemment devenu père de son 21e enfant à l'âge de 90 ans. Félicitations. Ouais. De nos jours, les Grecs ont plus de relations sexuelles que n'importe quelle autre nationalité. Ils sont suivis par les Croatiens. Les Grecs, ça doit être à cause du yogourt. Non, c'est parce après que... Après la meringue, le yogourt... La dépression économique, hein? Quand t'as plus de job, tu fais quoi? C'est plate, là, mais... C'est vrai. En plus d'être charmeur, t'as plein d'ingrédients qui font en sorte qu'en bout de ligne, ils veulent juste se foutre en l'air. Ensuite, moins de la moitié des hommes pensent que leur engin est trop petit, alors que seulement 85% des femmes sont satisfaites. Mais en fait, les 85% sont satisfaites de la grandeur de l'engin de leur... Ben oui. 85%. C'est bon. En 953, on enlève le premier chiffre, là, directement en 953, la princesse Olga en Russie a introduit une loi. Les hommes pouvaient renvoyer, si on veut, ou retourner la marchandise, retourner leur femme, s'ils apprenaient qu'elle n'était pas vierge. Je demande un remboursement. As-tu ta facture? Ouais. 953, en Russie. La masturbation féminine était souvent traitée. Donc, on enlevait le clitoris complètement, chirurgicalement. C'était au milieu des années 1800. On traitait la masturbation. C'est une maladie. C'est une maladie. Absolument. Ouais. Les deux formes les plus populaires pour le rasage des poils féminins dans, en bas. Devinez, c'est quoi les formes les plus populaires pour raser la forme de cœur? C'est ça. Forme de cœur, oui, exact. Hein? Et une autre T'es-tu forme. Sérieux? Je suis sérieux. Un mohawk. Non, un faux non, hawk. Mais le billet de métro, l'étiquette, juste la petite banderole, le bannière. Une bannière? Trop précis, l'étiquette de bus. Hein? Non, mais c'est le même que ça s'appelle. Complètement rasé. Ah, ben ouais. Oui, ben, j'aurais pensé ça. Non, mais on parle de forme, donc... J'ai dit le cœur, le pic. Ouais. Le triangle, est-ce qu'on peut dire que c'est un pic? Le triangle. Le triangle. Ah oh oui, c'est des formes de jeu de cartes. C'est voilà. Oui, le trèfle, c'est ça. Ben oui, c'était mon prochain, j'ai dit le pic puis le... Il manquait le losange, là. Comment tu fais? Ah, c'est bizarre. Ça doit pas être beau. Si tu veux faire le Joker. en Grèce et en Rome antique, éternuer était recommandé comme forme moyen de contraception, si on veut. Donc, pour éjecter le sperme du vagin. On disait éternue et ça va libérer c'est le trésor. On traque les bons muscles. Là. C'est Il faut que tu fasses attention si t'éternues. Il faut t'assurer que... Laisse faire. l'engin de l'équidné. Est-ce que vous connaissez l'animal l'équidné? Bref, le liquide de nez? Non, franchement... Éternué. C'est un mollusque? Non. Ça a l'air mou, hein? Ouais, non. Au contraire, je trouve que ça a l'air d'avoir une carapace. C'est ça ici, si je peux me permettre. Ah, moi, je me suis déconnecté à Internet parce que j'ai plus de batterie. Whoops! bref, vous irez voir vous-même. Donc, l'équidné, son engin, est décrit comme étant le pénis le plus impressionnant ou le plus épeurant au monde. En fait, c'est que ça a un pénis à 4 têtes. Ah! Donc, si vous voulez taper pénis équidné, E-C-H-I-D-N-E. Et le nom de l'animal. Ah, l'équidné, ça a des typiques? Ouais, c'est comme un genre de porc-épic. Oh, c'est un porc-épic. Puis ça a un pénis à 4 têtes. 4 têtes. Les pays c'est avec. Partenaire sexuel idéal, je sais pas. Je pense pas mal l'embou qui a 4 têtes. C'est un ornithologue. Est-ce que la femelle a 4 réceptacles? Non, je pense pas. Mais peut-être, je suis pas allé voir. Les pays qui ont l'accès le plus facile à la pornographie hardcore ont aussi le plus faible taux de criminalité dans le monde. Et voilà. Voilà. Ça soulage. Il y a une femme qui était enceinte pendant 17 mois et 11 jours. On dit que c'est la grossesse la plus longue jamais avoir. C'est jamais possible? Avoir 17 mois et 11 mais jours. Mais c'est vraiment possible? Mais le bébé est en vie. Parce que ça, c'est pas drôle. Là, si elle garde un bébé mort, faut pas faire de joke de bébé mort en onde. Pas en onde, dans la vie privée tous les jours. Un rhinocéros peut venir 10 fois en d'une demi-heure dans une session de lovemaking. En d'une demi-heure. Quand même. Qu'est-ce que la gamophobie? La quoi? Gamophobie. Non. Avoir peur de s'engager? Pas mal. C'est la condition psychologique où une personne a peur qu'un jour, elle va marier la mauvaise personne. Gamophobie. Angelina Jolie collectionnait les couteaux depuis l'âge de 12 ans. Je te le jure, même ça, je le savais. C'était peur, okay. Mais est-ce que tu sais la suite? qu'elle utilisait pour se couper elle-même pour augmenter pendant, le plaisir pendant les sexes. Je te jure, c'est cool. Fou. Elle s'automutilait pendant l'acte. Étrange. Moi, ça me turn quasiment on. Oh. Je sais pas, c'est quasiment comme, mon Dieu. Je sais pas c'est, pourquoi on sait ça de la vie d'Angelina Jolie. C'est intense. Un peu intense. Mais on en sait beaucoup, je pense, sur sa vie privée. Ouais. Elle est pas très cachotière. Non, elle est pas cachotière. Les hommes qui souffrent de la rage peuvent des fois incontrôlablement éjaculer jusqu'à 30 fois par jour. Quand t'as la rage. Jizz in my pants, c'est bon. Jizz in my pants. Bonne chanson, ça. Lonely Island. Ouais. Les Coréens du Sud ont sorti une application pour iPhone qui donne aux hommes qui se sentent seuls, qui leur envoie des messages textes d'une copine numérique nommée Mina. Mina. Un peu pathétique. Hein. Est italienne? On dirait Mina. Oui. Mina. Elle a la bonne Mina. Flirtationship, c'est un nouveau mot qu'apparemment que les gens utilisent beaucoup, c'est très à la mode. C'est plus qu'une amitié, mais moins qu'une relation. C'est une flirtationship. Ben, c'est un ami avec bénéfice. Ben, j'en dirais, mais je sais pas s'il y a des bénéfices en tant que tel. Un ami avec bénéfice. Oh, ça c'est bon, par exemple. Après avoir appris que ça, c'était sa femme qui le trompait, donc à tous les jours, Peter the Great, en Russie, forçait sa femme à regarder la tête de son amoureux dont il avait tranché la tête. Oh, boy. En émincé, en tranche d'un centimètre. Ouais, en mandoline. Bouillon, exactement. C'est fait un gratin avec. Wow. Magnifique. Hey, sais-tu qu'on termine Kinky Sexy Time? Je te jure, mais ça finit un peu morbide, là. Ben, reparle d'Angelina Jolie. Qu'est-ce qu'on sait d'autre d'elle? Elle a un tatouage sur ses parties génitales. Ah, ouais. On sait ça. Et tatou garni. J'ai déjà fait celle-là. Est-ce qu'on s'en va entendre le numéro 2 franco? Oui. Et pourquoi pas? Et on vient se dire bye tantôt, donc voici. Est-ce que tu veux nous présenter la chanson? Mais oui, ça monte de deux places et c'est la pointe de l'iceberg de la question. Ouais, genre. On va t'entendre ça? Pas mal bien. C'est la chanson du Titanic, ça. La pointe de l'iceberg. Non, lui, c'est pas la pointe qui a frappé, c'est tout le kit, le flan au grand complet. Le flan de l'iceberg. Le flan de l'iceberg. Ram. C'est bon, ça. Après ça, on revient puis on se dit bye. Attends. Derrière les routes que l'on emprunte, nos amours échoués, passions défuntes, derrière les histoires que l'on raconte, et toutes les autres qui nous font que nous sommes. Vous ne voyez que le minimum. Vous avez dit de ne pas aller voir des photos de pénis d'équidné. Et là, ils l'ont fait pendant la chanson, puis ça vient de gâcher la chanson pour moi. Complètement. Maintenant, je pourrais pas entendre cette chanson-là sans imaginer... Sans imaginer les pénis? À quatre embouts. C'est plus la pointe de l'iceberg. Là. Nous autres, on va d'autres pointes. Là, là. Il y a même un petit diagramme, là, et on voit, par exemple, la forme du pénis de porc. C'est un comme... tire-bouchon. Non, c'est comme... Exactement comme sa queue en arrière. C'est un peu bizarre. Oui. Bref, sur cette leçon d'anatomie animalière, c'est comme ça qu'on termine l'assemblage requis à la plage pour cette semaine. Retrouvez-nous jeudi prochain entre 14h et 18h. En passant, cette fin de semaine, on va être à des heures approximatives et un petit peu... pêle-mêle. Pêle-mêle. Allez voir sur la page Facebook pour connaître les heures de diffusion de, nos, de notre rediffusion de l'émission d'aujourd'hui. Merci Justine. Ça m'a fait plaisir. Merci à Véronique Mire. Oui. Simon Fédibé. Ouais. Jean-Philippe Charbonneau. Oui. Hein? Puis là, les jeunes talents, David Ferron, Isabelle ouais. Bédard. Ça s'arrête plus. Ben du monde, tous des collaborateurs. Voilà, restez à l'écoute pour les auditeurs du jeudi. C'est Rock Révélé qui s'en vient avec Serge Nadeau dans quelques minutes. On se quitte sur le numéro 1. Un extrait de Bravo Funken et tu t'es mise à crier. Passe une très belle fin de semaine. Ben, bonne fin de semaine, Mathieu. Bonne fin de semaine. Bye.